Et ne cesse, Seigneur, de nous enseigner à te prier, car nous avons faim et soif de ta communion. Nous voulons continuellement te prier et continuellement être en train de chercher ta face, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci, Père, pour ta grâce, pour ta miséricorde. Tout l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Continuons dans la prière, continuons dans la prière. Père, nous te sommes reconnaissants pour tes grâces multiples que tu repenses sur nous, dans nos vies, dans nos pensées. Très souvent, nous glissons, mais tu es toujours là pour nous soutenir. Tu ne nous juges pas, tu ne nous frappes pas selon la mesure de nos iniquités, mais tu as toujours compassion de nous. Père, très souvent, oh Dieu, alors que nous dormions, alors que nous marchions, nous n'avons pas les yeux ouverts sur les plans et les desseins de l'ennemi dans nos vies. Mais toi qui es au-dessus de toutes choses et qui es le Tout-Puissant, tu veilles sur chacune de nos voies pour nous détourner des pièges du malin. Donne-nous, oh Dieu de gloire, de comprendre, oh Dieu de gloire, ces desseins et tes desseins à toi, car tu as, oh Dieu de gloire, le projet de paix pour nous. Mais l'ennemi veut tout simplement, oh Dieu, nous conduire dans la perdition. Donne-nous de comprendre, oh Dieu de gloire, quelle ère nous vivons. Donne à tous ceux, en quelque lieu que ce soit, qui cherchent à ton nom, de comprendre quelle ère des ténèbres nous vivons, afin de se réveiller pour vaquer à la prière. Que toute la gloire te revienne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimé. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Mon ami, c'est ta femme là-bas. C'est pas ta femme, qui parle? Assois-toi sur la chaise blanche, comme ça il s'assoit à côté de sa femme. Bon. Oui. Tu discutes sa femme. Il discute sa femme. C'est la femme du frère là, non? Les téléphones sont éteints, on peut travailler. Vous savez chanter le cantique, l'heure a sonné pour toute l'humanité, des comptes à rendre au Seigneur. Le séjour des morts libère tous ses captifs, et voici le jour du Seigneur. Vous savez chanter ça? Donc on ne sait pas chanter, on commence à avoir la parole. Avais-tu lavé ton vêtement quand tu vivais sur la terre? Où te souviens-tu pendant l'autre soirée, quelqu'un te disait, répands-toi. Tu te souviens-tu comment tu t'étais moqué? Et voici maintenant devant le Seigneur, l'heure a sonné. J'espère que vous êtes devant. Ce n'est pas ici que vous devrez éteindre le téléphone. Vous devez au moins savoir cela. Quand vous entrez, vous éteignez le téléphone. Quand vous éteignez le téléphone, là, ça ne dérange pas, vrai? Notez 1 Corinthiens 2. On va commencer là. Notez. Vous notez, il va avancer avec le verset, d'accord? 1 Corinthiens 2. Jean chapitre 12. Jean chapitre 14. Comme je suis en train de sortir, les choses que nous allons développer vont se retrouver là-dedans et bien dans d'autres versets. J'ai dit 1 Corinthiens chapitre 2. J'ai dit 2 Corinthiens chapitre 2, c'est ça? Notez 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2. C'est le premier, là, n'est-ce pas? 2 Corinthiens chapitre 2. Jean chapitre 12. N'est-ce pas? Jean chapitre 14. 1 Jean chapitre 3. Remarquez bien qu'il ne donne pas les versets, n'est-ce pas? 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 5. Okay. Éphésiens chapitre 2. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 10. Apocalypse chapitre 12. Job chapitre 1. Vous y êtes. Genèse chapitre 10 et chapitre 11. Genèse chapitre 10, chapitre 11. Ésaïe chapitre 14. Si le Seigneur veut bien nous donner un sujet là-dedans. Daniel chapitre 6. Chapitre 7, 8 jusqu'à 11. D'accord? Donc, chapitre 6, 7 jusqu'à 11. Waouh! Il y a des combinaisons de travail. Avez-vous des questions? C'est pas terminé, n'est-ce pas? Oui. C'est pas terminé. Faut avancer. Ils ont continué à prier par rapport à ça. Oui. Oui, le week-end qui suivait, plus d'un an comme ça, comme lui, il a décidé de ne plus m'adresser la parole. Parce que je lui avais dit que je ne fais plus les choses de tradition. Ils sont partis faire les funérailles de la petite soeur, sans ma présence. Et à partir de là, il a donc pris la décision de ne plus m'adresser la parole. Quand on a commencé ces moments de prière, il m'a donc appelé. Il m'a dit qu'il fallait qu'on se voie. Moi, je suis disponible. Tu peux passer à la maison. Et elle m'a donc dit, ok, je vais donc passer à Douala le week-end qui suivait. Donc le week-end, comme on avait commencé en semaine, il est donc venu. Quand il est arrivé, ce que j'ai constaté déjà, premièrement, c'est qu'il avait une grosse bague en main. Ce n'était même pas l'anneau. On dit que c'est un anneau pour le mariage. C'est ça qui m'a attiré. Attends, et qui pose la question? C'est moi qui lui ai posé la question. Oui. Qu'est-ce que tu portes en main comme ça? Donc, ce qui m'a répondu, c'est que c'est pour sa protection. Je lui ai dit que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je sais que je ne peux me confier qu'au Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux pas me confier à des choses comme ça. Donc, on s'est tiraillé dans des paroles comme ça. Puis il connaît déjà ma position. Donc, c'est le constat. Puis la dernière fois, il était question, vous avez posé la question à savoir si on a constaté quelque chose. Oui. Donc, continue après. Et qui doit la constater? Vous voyez, n'est-ce pas? Qui a constaté quoi? Oui, frère. Oui. Je ne sais pas, je ne peux pas dire qu'il a constaté, mais c'est que depuis, avant quand même que le sujet de prière ne vienne, depuis que je suis entré dans le jeûne, c'était bizarre et difficile. Bon, ça se manifeste de plusieurs façons. Bon, déjà, depuis que je n'ai commencé, mes nuits ne sortent pas, ne sortent plus, c'est plus facile. Et la nuit de vendredi, ça, ce qui m'a attiré pour ma natation, et ce qui m'a sorti que je parle de Dieu. C'est que la nuit de vendredi était que j'ai tenté de dormir, j'ai sauté à minuit. Bon, depuis que j'ai commencé le jeûne, je sursaute constamment. Et mon sursaut n'est plus simple. De telle sorte que quand je sursaute, je peux entendre comme si j'ai l'impression que je dors avec des personnes. Donc, dormir avec des personnes, c'était seulement encore une pensée jusqu'à vendredi soir que j'ai sursauté. Je suis resté éveillé sur le lit, les yeux ouverts. J'ai l'impression que quelqu'un est passé. Bon, je ne sais pas si la personne marchait ou bien s'il était couché à côté de moi avant de se lever. Mais il était couché avec les yeux ouverts. J'entends que le matelas, ça pluie. À côté de moi d'abord, je bouge, je regarde, je vois elle. et ça continue en bas jusqu'à mes pieds. Je me disais que c'était une impression, mais après la sensation que j'ai eue, à moi, n'était plus. Je me suis descendu, je n'étais plus la même personne. Bon, je suis descendu, j'ai prié, j'ai dormi jusqu'au matin. Je me suis réveillé et là, j'avais l'esprit tranquille. Mais bon, encore quelque chose qui m'a marqué, c'est la première fois, la première nuit d'abord, que je prends le jeûne. Et ce n'était pas la première fois, c'est que je suis marié toujours, mais depuis un certain temps, ça ne venait plus. Ce sont les couches de nuit. Mais quand j'ai pris le jeûne, la première nuit, j'ai eu les couches de nuit. En une nuit, j'ai eu les couches de nuit deux fois. Et il t'a visité parce que tu étais vraiment sain. Donc, je veux bien visiter. Hein. Oui. C'est pas. Donc, là, ça a confirmé le fait que c'était vraiment une attaque. Encore avec ce qui s'est passé par Jésus. Bon, on va ce qu'on m'a constaté. Donc, il faut prier, n'est-ce pas? Oui. Pas bavarder. Donc, il faut. Oui. Donc, à l'issue de ce qu'on va faire ce soir, on va encore prier. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Pourquoi vous jetez comme ça pour le lisez sur le soleil? Oui. Oui, bon, frère, là, c'est pas un rêve, c'est pas une vision, mais c'est une réalité. Mm. J'ai fait un constat depuis un certain temps, je ne peux pas faire le rapprochement avec la période de la prise de jeûne. Mm. Tous les matins, aux environs de 6 heures moins, oui, un chat qui rentre dans notre plafond. Oui. Par derrière, parce qu'il y a une ouverture. Quand il rentre dans le plafond, dès qu'il saute, juste sur notre lit, on se voit coucher, on n'entend les pas. Après, c'est mal miaulé, au moins 4 à 5 fois. Oui. Il se calme. Quand il fait comme ça, tu fais comment? Tu sais ta femme bien même. Non, rien. Tu fais rien. Dans l'esprit seulement, je suis en paix dans l'esprit. Mm-hmm. Oui. Tu dis quoi? Que j'ai d'envoi le feu, t'envoies le feu. Tu envoies quoi l'eau glacée, frère? Tu fais un comment? Je demande souvent au Seigneur d'écarter. Si c'est un chamissier, il écarte. Donc on va prier. Ces choses vont faire le temps, c'est que votre domaine spirituel va s'éclaircir. Quand vous allez prier, vous allez voir qu'il y a des attaques. Vous priez, vous voyez qu'il y a des réponses de l'autre côté pour montrer qu'il y a résistance. Comme par exemple pour lui, ça montre qu'il doit prier. Si c'est un cas en disant qu'on avait prié comme cela, vous devez prier. Quoi que ça. Permettez-moi donc, s'il y a quelque chose, je réponds aux questions qui sont ici. Il y en a 4 ici. Je vais répondre rapidement, brièvement, et puis on avance avec les passages que vous avez notés là. Oui, frère, je voulais savoir si les dons spirituels sont permanents ou bien temporels. Temporel, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, pas ça, ça vient juste par moment. Ou bien... Quand on sème le maïs, chaque fois ça pousse, ça donne le maïs toujours. Pardon, si on sème le maïs, ça tu donnes le maïs, non. Oui, mais c'est que s'il y a le maïs, c'est que ça donne, pour le maïs. Oui. Mais le problème, c'est que là où ça ne se manifeste pas, on a le problème de semer le maïs au ciel. On n'a pas besoin de ça, c'est le maïs aussi, c'est pas vrai. C'est ici qu'on a besoin de cela. Le don spirituel de prophétie, c'est ici sur la terre qu'on a besoin. Tu vois cela, hein? Le don de guérison, c'est ici sur la terre qu'on a. Là-bas, on n'a pas besoin de guérison. On n'a pas besoin de prophétie là-bas. Donc, les dons spirituels, c'est pour nous qui sommes en tant que l'église se trouve en bas, afin que les dominations de la Dieu céleste connaissent au travers de l'église l'infiniment, la sagesse infinie, vraiment varie de Dieu. Donc, tant que l'église est sur la terre, les dons spirituels seront là pour servir. Oui, frère. En fait, je vais demander. Il comprend très bien, là, la vie de quelqu'un. Oui. Mais attends, est-ce que Dieu se répand de ses dons et de ses appels? Mm-hmm. Voilà. Autre chose. Quand Dieu donne le don à quelqu'un, même si tu fais n'importe quoi, le don est là. Même si tu as quitté la voie, n'importe comment, le don est là. À l'instant où tu commences avec lui, il avance. C'est un peu comme le maïs. Quand on se met le maïs, quelque part, vous voyez, la tige est chétive, comme ça. Mais dans la tige qui est là, petite, si vous mettez quelque chose à court, vous voyez, le maïs est tordu comme ça. Quand c'est tordu comme ça, la semence est là. Si c'est comme ça, la semence est là. Vous piétinez. Souvent, la voiture monte même là-dessus. Ça casse le maïs. Pas vrai? Après, s'il y a la condition pour que ça grandisse, un jour, vous voyez le maïs là-dedans. Parce que son objectif, c'est de produire le maïs. Le fait que ça casse, toutes les choses qui se font là-bas, c'est pour créer obstacle, ça ne produit pas. Mais à l'intérieur se trouve la semence. N'est-ce pas? Et le dessin de produire le maïs. Je crois que le moment viendra, on va parler de et ce don spirituel. Je crois que je vous ai parlé de votre argent en banque, que vous allez en faire, n'est-ce pas? N'est-ce pas, frère? Amen, non, mon frère. Vous voulez qu'il quitte? Non. Quand vous parlez, vous restez toujours comme ça, comme les poteaux. Bon, ici. Prions, je prends les 4 questions, cela. Ou bien je parle vie, ou bien je parle en patois. On parle, n'est-ce pas? Après, vous allez lui dire des choses que je n'ai pas dites. Prions, frère. Père, nous te sommes reconnaissants pour ces questions, parce que ces questions servent à l'édification et à l'éclaircir certaines cœurs afin que nous marchions davantage dans ta voie. Nous soumettons à toi, Père, afin que tu nous donnes les réponses correspondant à ta volonté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais lire les questions. 1, 2, 3, 4. J'imagine que la personne n'a pas mis ça par ordre d'importance. Donc, je lis à partir de 1 jusqu'à 4. Si les responsables des écoles ou collèges ou les enfants fréquentent décident que tous les élèves auront la tête rasée, par conséquent, y compris les filles, pas vrai, comme chez les anglophones, en tant que chrétien, comment s'y prendre par rapport à nos enfants qui fréquentent ces écoles ou collèges? Voici une très bonne question qu'il faut répondre maintenant. Vous remarquez que dans le système anglo-saxon, les filles coupent les cheveux. Et si les filles coupent les cheveux, en grandissant depuis l'école primaire jusqu'à l'école secondaire, ça devient pour eux une habitude. C'est vrai que quand les filles commencent à être filles, ça devient un système de mode pour elles. Elles ne voient plus la nécessité de laisser les cheveux. Donc cet entraînement-là, cette conséquence-là vient de l'entraînement, petit à petit qu'elles ont acquises, n'est-ce pas? Maintenant, la personne pose la question en tant que chrétien. C'est pour ça que c'est bien positionné. En tant que chrétien. Je vais répondre en tant que chrétien. Voilà. En tant que chrétien, comment s'y prendre par rapport à nos enfants qui fréquentent les écoles ou collèges? En tant que chrétien, avant donc, puisque la personne sait effectivement que couper les cheveux pour les femmes n'est pas normal, c'est pour ça qu'elle pose ces questions, sinon les questions n'auraient pas son sens. En tant que chrétien, avant d'aller inscrire les enfants, tu dois d'abord t'enquérir par rapport aux normes de cette école. Parce que la personne dit, si les responsables des écoles ou les enfants fréquentent décident, c'est leur collège, c'est leur école. Donc ils ont leurs normes, ils ont leurs lois à elles. C'est toi qui viens pour inscrire les enfants. Donc la personne demande comment procéder par rapport à cela. Tu es chrétien, c'est toi qui as ton enfant. C'est toi qui dois choisir le collège ou l'école où tu vas aller inscrire les enfants. Donc c'est à toi d'aller auprès des responsables, dire comment vous traitez les filles ici, parce que moi je suis chrétien, mon enfant est chrétien. Voici ce que nous croyons en tant que chrétiens, que les filles ne doivent pas se couper les cheveux. Est-ce que chez vous, il y a une ouverture pour que quelqu'un, par rapport à ses croyances religieuses, ne puisse pas couper? S'ils disent que c'est tout le monde qui doit couper, tu as le choix. Soit obéir à ce qu'ils ont dit comme les règles et inscrire tes enfants, soit en sortie, sachant que tu ne respectes pas leurs règles. Voilà la position en tant que chrétien. Mais Romains chapitre 12, verset 1, que nous sommes saints, c'était dit clairement que je veux les autres frères bien-aimés, par le compassion de Christ, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu, ce qui pour pas un culte. Ne vous conformez pas au siècle présent. Si le siècle présent demande de te conformer, tu ne te conformes pas. C'est un verset qui passe quasiment partout quand on confronte le monde. Amen. Donc voilà ce qu'il en est. Donc, première chose, quand tu vas inscrire les enfants, tu dois prendre attache avec les responsables de l'établissement en question pour savoir quelles sont leurs normes afin de regarder s'ils sont flexibles si tu inscris ton enfant. Par exemple, si tu donnes un mot, voici la chose que vous devez savoir. Quand on est à la quête des élèves et de l'argent, ils peuvent vous dire oui avec la bouche et puis plus tard ils font quelque chose qui ne va pas. Donc si on dit oui, vous dites faites-moi un mot en disant que mon enfant est déchargé de cela, est dégagé de cela. Pour que plus tard, parce que c'est clair que l'administration est écrite, pour que plus tard le bout de papier que vous avez écrit, on va écrire que la fille telle qui est inscrite à tel jour, née de tel, dans notre établissement tel, est dispensée de se couper les cheveux en tant qu'élève en vertu de sa croyance. La personne signe, il met le cachet de l'établissement. Comme ça, si on la chasse à l'école un jour, présenter qu'elle avait une autorisation de ne pas se couper les cheveux. Donc n'allez pas que quelqu'un vous dise que non, elle peut venir, il n'y a pas de problème, parce qu'on veut vous amadouer afin que vous donniez de l'argent pour l'établissement. D'accord? Amen. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc c'est à vous donc de regarder la responsabilité et regarder ce qu'il en est par rapport à cela. Alors, j'espère que c'est clair par rapport à la première question. C'est clair par rapport à la première question, n'est-ce pas? Voilà. Deuxième question, je passe aux deuxième question. Est-ce qu'en dehors du voile, la personne a mis foulard entre guillemets, la femme peut mettre le chapeau au même titre que le foulard? Le chapeau, il n'y a pas ça dans la Bible. On parle du voile. On parle du voile. Si vous pouvez, si il arrive que vous portez votre chapeau et que ça couvre votre cheveux, vous savez que ça va couvrir bien votre tête portée. Parce que commencer comme ça, un temps c'est le banana, un temps, c'est comme ça qu'on fait. C'est comment on commence à faire, et vous ne regardez pas mon Dieu, comme ça. Vous savez, normalement dans les dénominations, le pasteur un peu en haut, on fait comme ça. Je ne sais pas comment on fait ça. C'est le bandana. On fait comme ça, vous, ça ne dérange pas la coiffure. Vous voyez, la personne fait comme ça. Avec quoi, laisse on finit comme ça, on sort. On trompe qui? Donc, laissez le foulard être foulard et le chapeau être chapeau. Donc, voilà bibliquement cela. Troisième question. Selon la Bible, j'aime la façon que les questions sont posées comme ça. Selon la Bible, devons-nous encore circoncier nos enfants dans la chair selon Galates chapitre 5, verset 1 à 15, justement, selon la Bible, verset, question 3, selon la Bible, devons-nous encore circoncier nos enfants dans la chair, selon Galates chapitre 5, verset 1 à 5. Justement, dans ce livre de Galates, la Bible déclare à partir du verset 1 là que je vous dis que si quelqu'un ne se fait pas circoncis, Christ ne lui servira de rien. Vous voyez, c'est le chapitre 5 ça. Notez, par rapport à ces questions, notez Galates chapitre 2. Vous y êtes. Galates chapitre 2, nous allons lire quelques versets. Donc la personne doit poser une question selon la Bible. Je crois qu'il y a un enseignement sur ça. On a fait à Dynamic FM la circoncision. Oui. Comme ça, ça a deux parties. Oui. Donc il faut que cette personne écoute cet enseignement-là. C'est bien développé là-bas. Donc je vais répondre là-dessus avec deux passages. Je dis quoi? Alors c'est dans Galates chapitre 2. Donc Galates chapitre 5, c'est ce que la personne écrit ici. Rapidement, et puis on va lire c'est comme selon ce qu'il en est. Galates. Préparez Actes des Apôtres sur chapitre 16. Galates chapitre 2, vous y êtes. Vous savez quoi? Voilà, nous avons ouvert la Bible parce que la personne a dit selon la Bible. Posez les questions qui vous viennent sur le cœur et n'ayez pas peur. Posez toutes vos questions. Donc, selon la Bible, devons-nous encore circoncier nos enfants dans la chair selon Galates chapitre 5, verset 1 à 15. En fait, c'est pas selon Galates, parce que c'est pas selon Galates là. Donc, en fait, ça devait être selon la Bible. La personne devait poser la question que au vu de Galates chapitre 5, d'accord? Puisque Galates chapitre 5 semble contredire cela. Donc, Galates chapitre 5, chapitre 2. 14 ans, je suis au premier verset. 14 ans après, je montais de nouveau à Yerushalayim avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Gardez-vous à l'esprit ici. Ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se circoncire, de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous. Vous voyez les frères qui sont au milieu des chrétiens, non? Pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir, souligné avec l'intention de nous asservir. Vous y êtes. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. D'accord, frère? Vous avez suivi, non? Donc, Tite était grec. Il y a Tite. Allons dans. Il dit tout à l'heure, Actes des Apôtres, c'était un verset. Chapitre 16, allons-y là-bas. Actes pour rentrer rapidement, rentrer plutôt. Actes des Apôtres, chapitre 16. Il veut dire le verset 1, il veut m'arrêter au verset 3. Que Dieu vous bénisse abondamment en Yeshua. Amen. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée. On y va. Fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Vous savez que l'homme père de la paternité, c'est l'homme qui engendre, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que Timothée, normalement, était grec. Voilà. Maintenant, les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui et, l'ayant pris, il le circoncit. À cause qui était. Car tous savaient que son père était. Oui. Voilà. Tite, quand nous avons. A-t-il été circoncis? Oui. Non. Vous avez fait un frère? Non. Tite, quand nous avons lu dans Galates chapitre 2 là, avait-il été circoncis? Non. On a voulu forcer qu'il soit circoncis. L'apôtre Paul avait dit quoi? Non. Timothée a-t-il été circoncis? Oui. Quelqu'un a forcé? Non. Galates chapitre 5, verset 1, il dit. Et suivant là, il dit, je vous dis que si quelqu'un s'est circoncis, cela, Christ ne servira à rien. Est-ce que comme Timothée s'est circoncis, Christ ne lui a servi à rien? Non. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre le langage de Dieu. Sinon, on aura des problèmes là-dedans. Bon, la personne se pose la question, selon la Bible, devons-nous encore circoncire nos enfants dans la chair, selon Galates chapitre 5, verset 1? Oh, c'est, souvenez-vous, le livre de Galates, c'est le premier épître de l'apôtre Paul. Quand il a pris la plume, la première lettre qu'il a commencé à écrire, c'est le livre de Galates. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe dans Galates? Qu'est-ce qui se passe dans Actes des apôtres? Ce qui se passe, c'est que comme il est dans Galates, il est allé par révélation à Jérusalem. Il a trouvé Tite là-bas, Tite qui était un grec. Les faux frères, il remarque très bien que c'est parce que le discernement de l'esprit lui a montré que si tu tentes de faire circoncis Tite ici, ils vont te faire, tu es tenu d'observer la loi de Moïse, comme ils t'auront gagné. Alors ils vont dire, maintenant comme tu t'es circoncis, c'est bien, tu observes la loi de Moïse, il faut que tu fasses le sabbat. C'est pour ça que Galates va être là, effectivement, pour traiter ces cas-là. Vous voyez, n'est-ce pas? Qu'en réalité, il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, parce que la circoncision, j'ai dit, écoutez cet enseignement-là qu'on a fait sur le même FM, dans les deux enseignements, la partie 1 et partie 2, la circoncision avait un but. Comment se fait-il que l'homme sort de la femme? Donc l'homme et la femme vont ensemble, n'est-ce pas? Dieu a créé, tout ce qu'il a créé était parfait. Il finit, il a mis le nez de façon parfaite, la bouche de façon parfaite, tout de façon parfaite, il arrive à un propice qui dérange. Pourquoi? Pourquoi? Il dit, mais c'est pas vous comprenez ce que je viens de dire. L'enfant, le garçon naît, tout est parfait jusqu'à ce prépuce-là qui tord, qui est bizarre. Monsieur V. Et dans l'ancienne alliance, donc, dans Genèse chapitre 15 ou chapitre 17, il donne l'ordre de circoncier les enfants le huitième jour. C'est pour ça que dans cet enseignement à la radio, j'ai dit que personne ne circoncie l'enfant selon les normes. Personne. Même si vous voulez circoncier l'enfant en respectant la loi, vous n'avez pas le pouvoir de respecter. Parce qu'il y a les normes biblique par rapport à cela. Parce que circoncis l'enfant d'après la Bible ne consiste pas seulement à couper le prépuce et jeter. Il y a des normes qui régularisent là. Vous suivez, frère? Amen. Voilà. Maintenant, remarquez que le Seigneur Jésus, dans Luc chapitre 2, il y avait les offrandes qu'on a venu offrir en fonction le huitième jour où l'enfant devait être circoncis, dans Luc chapitre 2. Vous me suivez? Donc, le Seigneur Jésus a été circoncis selon la loi de Moïse parce qu'il était le type d'Isaac. Regardez que quand Dieu a donné l'ordre de circoncis de l'enfant, Abraham lui-même n'a pas respecté l'ordre. Pas vrai? Parce qu'il avait plus de 70 ans lorsque l'ordre a été donné. Il a été circoncis à 70 ans. Donc, l'alliance ne le concerne pas. Son fils Isaac, comment il s'appelle? Le premier fils Ismaël ne pouvait pas entrer. Il avait 13 ans. Donc, le chiffre du désordre lorsqu'il a été circoncis pour montrer que l'alliance ne passe pas par lui. La première personne qui a respecté la loi, c'est Isaac. Parce qu'il est dit, en Isaac se trouve la postérité. Vous me suivez, frère? Alors maintenant, la circoncision donc a été donnée. On y va doucement. Notez aussi Romains chapitre 12, chapitre 2. Romains chapitre 2. Romains le chapitre 2. Vous allez lire ça throughout, jusqu'au verset 9 à 12. La circoncision donc était le signe, regardez-moi bien pendant qu'il parle, de la nouvelle naissance, de la conversion. La circoncision que Dieu parlait dans l'Ancien Testament était le signe. Donc Dieu voulait montrer à l'homme qu'il y a quelque chose en toi qui dérange. C'est pour ça que si quelqu'un dit « Non, non, non, je suis né dans une famille chrétienne » et autres. Si tu es né du ventre, observe seulement ton propice pour montrer que... Ton propice dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc tu as besoin de repentance. Donc quand tu sors du ventre, si tu sors comme... Où sont les enfants? Il n'y a pas d'enfants ici. Mais personne n'accouche ici. Il y a des assemblées où vous entendez. Voilà, les femmes font... Les femmes, vous attendez quoi? Bon, maintenant. Il dit, s'il y avait un petit bébé, observez le bébé, quand le bébé sort, on dit, c'est un garçon. Première chose, regardez son propice. Est-ce qu'un enfant est déjà sorti étant circoncis? Ainsi, chaque personne naît ayant besoin de repentance. C'est ça que Dieu voulait leur faire montrer. Dieu voulait leur faire montrer qu'en vous se trouve un problème. Et donc, dans Ézéchiel, allons-y maintenant dans le livre d'Ézéchiel. C'est même pas le sujet, donc il faut qu'il raconte ça rapidement. Donc, nous avons déjà vu deux personnes qui concernent l'apôtre Paul, qui sont ses collaborateurs. L'un. On a dit que si soit circoncis, qui soit circoncis, jamais il ne circoncis. Donc, il a continué son ministère sans être circoncis. Pas vrai? Et maintenant, Timothée, l'un de ses collaborateurs, le plus proche collaborateur, qui a été circoncis, sans qu'il y ait forçat. Ézéchiel, chapitre 36, livre du prophète Ézéchiel. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Quand il dit chaque fois, vous ne comprenez pas pourquoi il dit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Ézéchiel chapitre 36. On va partir du verset 25 rapidement. Vous y êtes? Bon, déjà, contextuellement parlant, les Juifs dérangent Dieu au fur et à mesure, parce que Dieu donne les prophéties en disant qu'ils vont, ils seront envoyés parmi les nations. Dieu fait comme ça pour les châtier, pour leur donner les punitions par rapport à la désobéissance et la non-observance de ses commandements, ses lois, ses préceptes et ses ordonnances. Vous y êtes? Alors Dieu, pour les punir, dit qu'il va les disperser dans les quatre coins de la terre. Et le moment est venu. Et Dieu sait le pourquoi ils sont de désobéir à ses lois. Parce que vous ne pouvez pas obéir à la parole de Dieu en étant dans le monde. Il n'y a pas de mixité entre nous. Si vous avez aimé le monde, il n'y aura pas de place de Dieu. Il n'y aura pas de place dans votre cœur pour Dieu. Vous devez choisir le camp. Soit le monde, soit le monde, soit le Seigneur. Et par conséquent, les Juifs étaient comme ça. Plus charnels. Et pourtant, la loi de Dieu restaure l'âme, comme David le dit. Que sa parole est parfaite. Sa loi est parfaite, est guide, pas vrai? Mais Israël cherchait autre chose, la prostitution. Donc Dieu les amène captifs. Puis il donne une promesse ici à la venue du Seigneur Jésus. Regardez cela. Je répandrai, lisons à partir du verset 24 même. Regardez. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai. Quand vous allez lire ces versets jusqu'à là où je vais m'arrêter, vous allez lire, compter combien de fois Dieu se personnalise là-dedans. C'est l'un des rares endroits de la Bible où Dieu donne de son serment qu'il va faire telle chose, telle chose. Remarquez, vous allez voir, je. Allons-y, à partir du verset 24, regardez. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Vous voyez, ça veut dire qu'il y avait quelque chose parmi Israël, que Israël ne peut pas s'en sortir seul. C'est l'œuvre que Dieu lui-même allait faire. Continuons ici. Combien de jeux déjà? Plus de 5, pas vrai? Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Donc tant que Dieu n'a pas fait ceci, tout ce que tu fais c'est ta part. Voilà donc les versets qui terrorisent. Ah non, Jésus est pour tout le monde, suis le nom, on voit. Suis. Tu vas faire 2, 3, 4 jours, tu vas pam, tu es au sol. Parce que qui oserait de lui-même s'approcher de Dieu? Ouais, donc, mais Dieu a fait une promesse ici pour rester dans le cadre de la question, sinon ça va me faire aller enseigner maintenant. Dieu a donné la parole ici dans le livre d'Ézéchiel pour montrer que dans l'être humain se trouve quelque chose. Donc d'après ces versets, on comprend effectivement que tant que cette œuvre du Seigneur n'est pas faite dans le cœur de quelqu'un, on ne peut pas respecter ses lois. On comprend donc le pourquoi les Juifs pouvaient le désobéir malgré qu'ils ont entendu sa voix. On peut donc comprendre, parce que lui-même a dit dans Isaïe 48 là-bas, qu'il savait dès le départ, dès la naissance, il fut appelé rebelle. N'est-ce pas, frère? L'ancien cœur qu'il leur a donné. Frère, vous pouvez parler. On donne l'eau, vous buvez. L'ancien cœur qu'il leur a donné. Lui qui? Dieu. C'est Dieu qui leur a donné. Vous avez peur de prononcer. C'est lui qui a donné. Ton cœur qui a appelé ton cœur. C'est Dieu. Tu sais même de quelle forme tu as ton cœur. C'est quand tu fais du. Quand tu décrètes ta forme, sinon tu as dessiné comme ça que la forme de cœur, tu envoies un SMS comme ça. C'est pas ça, frère. Comment? Dis-nous comment ça s'est passé. Non, ça c'est autre chose. Alors, le cœur qui est à l'intérieur de nous se trouve à avoir un problème. D'accord? Mais le problème, c'est que nous ne voyons pas notre cœur. Quelqu'un qui vole, il y a des gens qui volent, c'est naturel. Des gens qui, malgré qu'ils vivent dans des maisons, une femme qui a tout à la maison, trompe son mari. Un garçon qui a tout à la maison, vole. L'autre qui n'a pas besoin de mentir, ment. Remarquez les grandes personnalités, les ministres et autres, là, qui ont déjà de l'argent, continuent à voler. Quel est le problème? La cupidité. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 15, lorsqu'il est venu, il a dit que ce qui sort entre dans la bouche de l'homme ne souille pas l'homme, c'est ce qui en sort. Il veut dire là qu'en fait, le problème de l'homme se trouve à l'intérieur. Il dit que c'est du dedans que viennent les idolâtries, l'adultère, le mensonge, le meurtre, c'est ça qui vient. Ça sort du cœur et c'est ça qui souille. Donc, ça veut dire, si tu as la cupidité dans ton cœur, tu es souillé. Et Dieu a dit ici que je vous purifierai avec une eau pure. Donc, Dieu veut parler, dit que l'être humain a un problème. Son problème, c'est toi dans le cœur. Donc, si quelqu'un va s'asseoir quelque part, il tape la tête au sol en disant comme ça, il fait l'ablution, il lave ses oreilles. Ses oreilles n'ont pas de problème. C'est à l'intérieur. Est-ce qu'il lave? Il lave le cœur. Donc, en fait, toutes les prostrations avec les têtes, le front noir ne servent à rien. Si vous pouvez prendre le cœur, sortir ici, là, verser l'eau là-dessus. Si verse l'eau chaude, il est mort, pas vrai, frère? Donc, c'est l'eau pure de la parole que Dieu est censé laver avec cela. Donc, allez se prosterner, que non, l'islam, c'est la bonne religion, oui. Prosterner comme ça, prosterner comme vous voulez prosterner, ça ne changera pas le cœur. Parce que quand tu sors, quand tu dis Kaiwala, tu sors le couteau. Jésus vient de dire qu'il y a un problème en toi. Si tu dis que Mohamed n'est pas prophète, dit Wala, il sort le couteau que Zawala veut tuer. Ça montre clairement qu'il y a quelque. Jésus a raison. Et il aura toujours raison. C'est pour ça qu'il est venu pour résoudre le problème humain. Alors donc, ces choses-là que la Bible parle, dont Dieu parle, il a annoncé cela en type, c'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, il a annoncé ça pour dire à l'homme que vous avez besoin d'un sauveur. Vous ne pouvez pas faire cela. C'est pour ça qu'il a dit qu'il le fera lui-même. Et il est venu effectivement dans la chair, il a fait. Pas vrai, frère? Donc, ces choses-là, il a symbolisé dans la Bible par la circoncision. La circoncision, donc, dans la Bible, représente donc la circoncision du cœur qui devait venir plus tard. C'est pour ça que l'apôtre Paul, comprenant ces choses, voulait expliquer qu'en réalité, ce qu'on vous a dit là, sous la loi, voici, c'est accompli maintenant. Romains chapitre 2, je vous ai juste demandé de noter tout à l'heure. Ce n'est pas le sujet là, c'est ce que c'est que ça. Romains, le chapitre 2. Quoi qu'on va lire là, on va s'arrêter. Donc, comme vous voyez, ça veut dire clairement que si vous êtes du côté de Tite, vous avez raison. Vous êtes du côté de Timothée, vous avez raison. Mais souvenez-vous que. Vous soyez du côté de Timothée, vous ne vous circoncisez, vous ne vous faites pas circoncis pour respecter la parole, parce que vous ne pouvez pas respecter la parole. Vous vous circoncisez tout simplement pour respecter la norme médicale. Ou bien peut-être pour être conforme à la société pour que ta femme ne te le fasse pas. De Romains chapitre 2, verset 12 ici. Regardons ce qu'on va dire ici. Permettez-moi de prendre le verset 27, hein. Ou bien, je prends le verset 25, notez le verset 25 à 28, d'accord? Voilà. Maintenant, donc je crois que je prends le verset 25 jusqu'au dernier là. La circoncision est utile. La personne qui écrit là, c'est l'apôtre Paul. C'est lui qui a écrit en Galates que si vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Et il a même dit, et j'ai réité encore que si Christ ne fait pas circoncis, il est tenu d'observer toute la loi des. De Moïse. Il ne veut pas là, il ne dit pas qu'à tout le monde, c'est pas à tout le monde. C'est parce qu'il est en train d'écrire aux faux frères qui étaient là-bas qui voulaient imposer la loi de Moïse, l'observance de la loi de Moïse. C'est pour ça qu'il est là-bas, au chapitre 3, il va parler de Saba et autres là-bas. Il va parler que toutes les lois qui étaient là-bas étaient une préfigure. Christ était, il est écrit Moïse, soit quiconque est exposé voir. En disant au verset 19 que quand Christ n'était pas encore venu, nous étions gardés sur la loi. Maintenant, Christ étant venu, nous ne sommes plus sur ces pédagogues. Peut-être que nous avons été dégagés de cela. Ce n'est pas pour dire qu'on observe plus, on dit qu'on observe effectivement cela en accomplissant. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok. Donc ici, il dit, la circoncision est utile. Il dit, mais la personne qui a écrit dans le Galate, là, c'est pour ça que quand vous lisez la Bible, vous ne comprenez pas la pensée de la chose, vous avez quoi côté, il y a contradiction. C'est l'apôtre qui a écrit un Romain. Actes des apôtres, c'était lui dont il était question, parce que c'est lui qui a trouvé Timothée. Galate, c'est lui qui a écrit avec Tite en disant qu'il n'a pas voulu circoncire. Ici, dans Galate chapitre 5, il dit que si vous faites circoncis, vous ne serez à rien. Il ne dit pas à tous les chrétiens. Il s'adressait aux gens qui voulaient tenir les chrétiens, que si vous voulez être chrétien. Parce qu'en réalité, les juifs savaient que la loi de Dieu avait été donnée. Ils ont raison, parce que les oracles de Dieu ont été donnés aux juifs. Ils savaient que, on n'a jamais dit que Dieu du Cameroun ou quoi que ce soit. C'est Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël. C'est le Dieu d'Israël. Il est unique. Et par conséquent, ils se disent que si un peuple veut s'unir à eux, ils sont censés respecter la loi d'Israël. Or, le problème, c'est que la loi les a créés l'achoppement parce qu'ils ne savaient pas que cette loi-là annonçait quelqu'un. Romains chapitre 10, donc, nous dit clairement, verset 17, que Christ est la fin de la loi, telos. Christ est le but, telos. Pas fin pour Christ finit la loi, non. Christ est la fin, le but de la loi. Le but de la loi, c'était Christ. Le but de la loi, c'était de nous montrer que vous avez des problèmes. Vous montrer. À un moment donné, tu es dans le manque, il te pourvoit, tu dis que c'est le Dieu pourvoyeur. Petit à petit, tu comprends qui est Dieu. Après, tu dis, oh, j'étais dans la détresse, il m'a sauvé. Donc, il est un sauveur. Seigneur, qui va me délivrer de ce corps mortel. Pardonne mes iniquités, Somme 51. J'ai fait connaître de la peine de mort et tu m'as appris. Heureux tout homme, pour que l'iniquité n'est point retenue. Vous voyez cela, donc ça veut dire que si ton péché est ôté, tu as la paix avec Dieu. Il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient proches et à la paix à ceux qui étaient loin, dit Ephésiens chapitre 2. Donc, le but de la loi et tout ce qui était écrit là-bas, c'était pour conduire à Christ. Comme Galates chapitre 3, verset 19 et suivant le 10. D'accord? Dans le verset 25 dit, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, la circoncision, ta circoncision devient incirconcision. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Donc, en langage chrétien, si tu dis que tu es né de nouveau, prouve pas les actions. Parce que la foi a ses œuvres. Vous voyez, c'est la même chose maintenant. Dans le cas des Juifs, il s'adresse aux judaïques ici, aux juifs. Donc, si tu dis que, il ne sert à rien de dire que je suis circoncis, je suis juif. Judas n'était-il pas juif? Judas n'était pas juif. Son père ne s'appelait pas Simon. Voilà, donc ça va nous dire clairement que le fait d'être juif ne veut pas dire que tu es sauvé. C'est ça, il a dit. Donc si tu es circoncis, comme tu dis que circoncis, circoncis. Si tu es circoncis, tu ne pratiques pas ce que Dieu dit, c'est que tu es tenu pour un circoncis. Parce qu'en réalité, il y a des choses qu'on a de reprocher aux circoncis, les païens, donc tu as de vivre. Donc ça ne sert à rien de dire, je suis chrétien, chrétien, que tu vis comme le monde. Me suivez, frère? Oui, oui. Puis il dit, si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Donc, si on prend un juif, c'est qui est circoncis? Un non-juif qui n'est pas circoncis, lui vit la loi. Toi qui es juif, qui est circoncis, ne vit pas la loi. La Bible déclare que lui, il est devant Dieu, il est circoncis. C'est ce que la Bible te dit là. Verset 27. L'incirconcis des natures qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas toi qui la transgresse tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Vous avez vu, n'est-ce pas? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Il a d'expliquer la circoncision qui était dans l'Ancien Testament. Maintenant, c'est un nouvel homme. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Selon l'esprit. Et non selon la. Alors, ça veut dire que le prépuce de l'homme prophétise. La copie du prophète de l'homme prophétise comme ça la nouvelle naissance. Vous voyez comment Dieu peut faire être merveilleux, n'est-ce pas? Il dit que le juif, c'est celui qui est intérieurement. Donc, il ne faut pas être juif en portant les choses rabbiniques, en se concernant dans l'école de rue, comme Jésus a dit ça sur les pharisiens. Mais il dit le juif, c'est celui qui est à l'intérieur. Donc, un vrai juif, c'est quelqu'un qui est circoncis à l'intérieur. Ézéchiel, que nous avons vu là au chapitre 36, verset 25 et suivant, prophétisait effectivement qu'il devait faire une circoncision à l'intérieur. À l'intérieur. Donc vous voyez, donc quand l'être humain naît, tout est prophétie. Vous prenez le corps humain, la Bible déclare 1 Corinthiens 12 que Christ est la tête. Vous regardez votre tête, vous allez remarquer que, frère, lève-toi un peu, voir. Vous remarquez comme ce frère se tient en haut. La seule chose qui est dessus de lui, c'est la tête. Donc c'est Christ seul qui est élevé. C'est pour ça que lui, il représente la tête. Il dit que nous sommes membres les uns les autres. La main ne veut pas dire au pied que je n'ai pas besoin de toi parce que ici, là, tous fonctionnent ensemble. Et comme tous ceux qui sont membres fonctionnent ensemble, lève un peu la main, voir. Pour qu'il puisse lever cette main, s'il a été connecté au nerf. Si les nerfs qui coordonnent depuis la tête jusqu'à ses mains sont touchés, il ne peut pas lever ses mains. On dit qu'il est paralysé. C'est pour ça que tous, on dit que tous en Christ, tout le corps bien coordonné, ça semble pour être une édification complète, une maison complète, un édifice, un temple saint, un saint temple. Vous voyez que lui, totalement, est une prophétie du corps de Christ, l'Église. Voilà l'Église. Vous voyez, n'est-ce pas? Un individu comme ça prophétie l'Église. 1 Corinthiens 12 nous le dit. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Donc voilà une prophétie. Quand il était enfant, vous voyez ce propice, avant qu'on le coupe, il a pleuré quand il était petit. Avant qu'on le coupe cela, Dieu disait que les prophéties, voici la prophétie, l'être humain a besoin de repentance. Son propice prophétisait. Vous suivez ça, frère? Donc voilà maintenant, donc, lui prophétise l'église. Maintenant, lui et sa femme, maintenant, devient encore une autre prophétie. Lui, maintenant, totalement devient Christ, sa femme devient l'église. Donc toute la vie, c'est prophétie. Dieu a fait toutes ces choses pour montrer sa gloire futuriste. Mets à soi, frère. Alors, le prépuce, donc la coupure du prépuce en clair, symbolisait donc la prédication de la repentance pour être converti dans le Seigneur. Et ça, par rapport au baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il a dit que cette circoncision vient de l'Esprit. Quand cette circoncision s'opère, on dit que tu es converti. Ou bien tu es né de nouveau. La nouvelle naissance, donc, était un type donc, de la circoncision. D'accord? Alors, selon la Bible, devons-nous encore circoncier nos enfants dans la chair? Si tu veux circoncis, si tu ne veux pas les circoncis, pas. Parce que selon la Bible, il n'y a pas une prescription aux chrétiens quant à circoncis ou ne pas circoncis. Mais si tu fais en tant que chrétien, tu dis que je vais faire comme Dieu a dit, tu te mets sous la malédiction directement. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. Ok, c'est bon là maintenant. Allons-y aux quatrième question maintenant. Dis-moi frère, oui je t'ai dit. Dis-moi frère, comment faire face à ma fille de 14 ans qui me demande si le maillot de sport n'est-il pas un vêtement d'homme? Pourtant, c'est obligatoire à l'école. Je crois que ça rejoint la première question que nous avons posée, ou nous avons posée avant. Je crois que, ça c'est avec les femmes qui veulent parler de ceci, ils veulent parler du mouvement féminin et la naissance avec le sport, l'implication avec les dates précises, avec les, même la première sportive, la première emballée, la première, on va voir tout cela. Oui. Excuse-moi de couper. Oui. Tout à l'heure, tu as parlé du chiffre du désordre. Oui, le 13. C'est le 13. Oui. Pourquoi? C'est ça, non? Le chiffre de Dieu, quand tu te dis 7, 9, vous savez que c'est le chiffre de Dieu, non? C'est comme ça, il y a un enseignement, c'est ça pour le 1, le 2, jusqu'à niveau 40. Vous allez voir la Bible, vous allez voir que 3 vient. Quand ça vient, il y a souvent certaines choses. Quand c'est 40, vous allez voir qu'il y a quelque chose. D'accord, frère? Donc le chiffre de la rébellion, c'est le 13. C'est la Bible, on ne peut pas faire comment, frère. Dis au frère que bienvenue. Bienvenue, frère. Donc, on avance ici. Je crois que c'est terminé ici. Je t'ai dit comment faire face à ma fille de 14 ans qui ne porte pas le maillot. Si elle ne porte pas le maillot pour faire le truc, ne lui achète pas non plus le string ni le maillot de bain. Ok, on peut avancer maintenant, n'est-ce pas? Oui, pose ta question, mon cher. Dans Jean, chapitre 1. Non, viens t'asseoir ici. Tu mérites. Je comprends que même la bouille, que Dieu te bénisse. Tu es le seul enfant voyant ici, là. Oui, c'est toi là-bas, d'accord? Tu vas mettre ta Bible ici. Mais pose ta question. Dans le Jean chapitre 1, verset 10. À haute voix, haute voix. Verset 10 au verset 21. Oui. Personne n'a jamais vu Dieu. Oui. Le Fils unique qui est dans, le sein du Père l'a fait connaître. Et celui qui l'a fait connaître. Oui. Voici le témoignage. Lis à haute voix. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem les sacrificateurs. Regarde comment tu as balancé le type. Il a lu au verset 1, toi tu es au verset 18 et 19, tu es au verset 19. Il a lu au verset 1. Nous, c'est ce qu'il a regardé dans la Bible petite, mais il lit même haut. Et il a commencé au verset 18. Il est au verset 19 maintenant, oui. De Jérusalem. Pour lui demander qui, toi qui es-tu, pourquoi baptises-tu lui? Le sacrificateur de Lévi. Pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara. Et de nier point. Oui. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Il n'était pas le Christ. Oui. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne suis pas. Et tu es le prophète? Il répondit, non. Ici, on voulait comprendre pourquoi il dit qu'il n'est pas le prophète. Pourquoi il dit qu'il n'est pas le prophète alors qu'il est le prophète? Voilà, bonne question. Vous voyez, il a décelé une des questions qui trouve les musulmans. Il a décelé une des questions qui trouve les musulmans. Donc, il y a un enseignement de trois séries que je vais parler à partir de ces versets. L'une des choses, parce qu'il y a beaucoup de choses, peut-être que vous ne pouvez pas être au courant des enseignements des musulmans, l'une des choses que les musulmans font pour pouvoir essayer d'asseoir les doctrines, c'est de prendre des versets dans la Bible pour appliquer à Mohammed, comme dans Esaïe 42 et autres là-bas, pour parler de la loi qui va venir, qui va sortir, qui sera la lumière des nations. Ils disent d'abord, un, que Jésus a été envoyé seulement au but de garder les enfants d'Israël, comme lui-même le dit de sa propre bouche. Et ça, vous ne pouvez pas le nier, Jésus l'a dit. Maintenant, il prend Esaïe aussi pour dire maintenant qu'il sera la lumière des nations. Quand on ne peut pas être Jésus, parce que Jésus, lui, il a été envoyé aux Juifs. Après, ils essaient de tordre n'importe comment pour que ce soit Mohamed, parce que Mohamed veut dire le loué. Ainsi de suite. L'autre nom de Mohamed veut dire ceci, et qui en arabe veut dire ceci, et en juif veut dire ceci, qui veut dire ceci. Donc, voici l'un des versets que ils le disent. Ils disent clairement ici qu'on a posé trois questions. On parle d'Élie, le Christ, le prophète. Mais sa question répond au niveau de sa question. Pour la question des musulmans, il va traiter avec les musulmans. On lui a demandé, es-tu le prophète? On n'a pas dit que es-tu un prophète. Parce que le prophète désigne une personne spécifique qui est censée venir. Vous voyez, n'est-ce pas? Jean-Baptiste était un prophète. Puisque Jésus a dit de lui que qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Puis il a dit, un prophète, oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète. Relisons encore ces passages-là pour voir pourquoi quelque chose. C'est un biscuit pour mes amis musulmans. C'est une histoire dans Jean, quand Dieu fait, et les chrétiens aussi, ça les dérange. Dans Jean, chapitre 1, là, c'est terrible, c'est pas si tellement raté, je ne sais pas si pour lire. Bon, maintenant, il vient de la partie verset 19. Voici le témoignage des gens lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Vous avez vu qu'on parle du Christ ici. Maintenant, suivez attentivement. On va suivre les déclarations de Jean-Baptiste. Il déclara et ne le niera point qu'il n'était pas le Christ. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit quoi? Il dit, je ne le suis point. Élie, quoi? Jean-Baptiste a dit quoi? Jean-Baptiste a dit qu'il est Élie ou bien qu'il n'est pas Élie? Qu'est-ce que Jésus a dit de lui? C'est pour ça qu'on ne comprend pas la Bible. Vous allez vous tourner. Et par conséquent, les musulmans disent que Jean-Baptiste a dit qu'il n'était pas Élie, il n'était pas le Christ, il n'était pas ceci. Donc ça veut dire que le prophète est différent du Christ. Parce qu'on a posé la question, es-tu le prophète? Il a dit non. Es-tu le Christ? Il a dit, ils savent que Christ c'est Jésus. Donc le prophète doit être une autre personne. Donc comme les juifs ont déjà eu le Christ, ils attendent le prophète et on parle de Mohamed. Si vous ne comprenez pas la Bible, c'est comme ça qu'on peut vous prendre comme ça, après le creuser comme ça que, hein, peut-être le musulman c'est à raison. Vous devez lire votre Bible et ça va où vous trouvez. Alors, vous lisez seulement comme ça, c'est seulement amusant. C'est seulement amusant. C'est pour ça qu'ils font les débats maintenant, ils essaient de chercher les débats pour chercher comment pour justifier leur truc. La lumière ne débat pas avec les ténèbres. La lumière ne débat pas avec les ténèbres. Il y a l'autre là-bas sur Internet, comme j'ai prêché sur Abdou Majid et Zaki Naïk, ils ont dit que si tu as la vérité, si ta religion est la vérité, si votre religion est la vérité, quoi que c'est une histoire de religion, c'est votre religion est la vérité, viens me présenter la vérité. La vérité en plein devant eux ne voit pas, c'est moi qui vais les présenter. Jésus qui a dit qu'il est la vérité. Eux, ils parlent de religion, ils disent que je vais encore présenter qui. Jésus s'est déjà présenté. Il a dit je suis le chemin, la vérité. Donc la vérité n'est pas une religion. Jésus n'a pas dit que le christianisme est une vérité. Non, non, non, non. Il n'a pas dit que le christianisme c'est la vérité. Il a dit que c'est lui qui est là. Donc dès la fondation, ils ont déjà raté. Il dit l'islam parce que Allah a dit dans Sourate 5 qu'il y a gré aujourd'hui l'islam pour la vérité, pour la religion. C'est que c'est l'islam qui a gré. C'est Allah qui a fait ça, c'est pas le Dieu d'Israël. Donc Allah peut avoir dit ça, c'est son problème. Okay. Le Dieu de la Bible a dit Jésus-Christ est la vérité, le chemin est la vie. Donc la vérité, c'est une personne, ce n'est pas un lieu. C'est une personne, ce n'est pas un groupe. C'est une personne, ce n'est pas une éthique, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas une pensée, c'est une personne. Donc vous pouvez comprendre une religion avec la personne de Jésus. Donc quelqu'un vient dire que si tu as la vérité, viens de moi. Je n'ai pas la vérité à leur donner. S'il veut la vérité, qui vient dire, frère, je vais connaître la vérité. Il dit, ok, voici le chemin. La vérité est là. Et la point vie. Final. On ne m'a pas instruit dans leur débattre avec eux. Parce que vous n'avez pas. Frère, appuyez sur l'interrupteur. Qui est présent? Allume, frère. Qui est présent? Ils ne sont pas compas. Si l'un est là, l'autre va disparaître. Amen. Donc, il n'y a pas de synchronisation entre les deux. Il n'y a pas de débat entre les deux. Est-ce que le débat, il y a un débat entre la lumière et les ténèbres? Quand la lumière s'allume, il disparaît directement. Donc, alors, ici, parce que la question de notre enfant, c'est pourquoi Jean-Baptiste dit qu'il n'est pas le prophète alors qu'il est prophète? Oui. Il est prophète, mais il n'est pas le prophète. Donc, on parle de Deutéronome chapitre 18. Parce qu'il est question de Deutéronome. L'apôtre, quoi? Le prophète Moïse a dit, l'Éternel, notre Dieu, suscitera du milieu de vos frères. Vous voyez? Un prophète comme moi. Ils disent que Dieu avait déjà suscité Moïse au milieu d'eux. Quand ils disent au milieu de leurs frères, après ils disent que non. Ismaël et Isaac sont frères. Donc on l'a suscité ici du milieu de leurs frères, il en a parlé d'Ismaël. Oh, c'est quand même terrible. Alors, vous voyez que quand vous prenez les versets jusqu'à vous dire fils de Dieu, vous dites que non. Ici, fils de Dieu ne veut pas dire fils de Dieu. Mais quand il va là, il y a milieu de Dieu, milieu de leurs frères, on dit que non. L'autre là, les chrétiens ont tout facilité sur l'autre là. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent s'arranger avec cela pour que ça donne ce qu'ils veulent. C'est-à-dire quoi? Pour justifier le faux, il faut que le Coran essaye de se débattre avec la Bible. Parce qu'en réalité, vous la mettez ou non, au courant de tous les siècles qui sont passés, c'est la Bible qui a été l'objet des rejets. C'est les chrétiens qui sont l'objet des rejets parce qu'en réalité, Jésus n'a pas dit qu'ils vont vous persécuter à cause du nom de Mohamed. On vous persécute à cause du nom du Seigneur Jésus. Si on vous aime, c'est parce que, si on vous hait, c'est parce que le monde m'a haï. Donc, si on hait, et par conséquent, ma parole. Et par conséquent, c'est la Bible qui fait l'objet de tous les débats scientifiques. Il faut qu'on trouve et trouve que non, la Bible a été copiée à partir des trucs sémites et babyloniens. On essaie de faire montre de cela. Mais la Bible subsiste à toujours. La Bible déclare dans ce psaume 119, verset 84, que à toujours, ta parole est inscrite dans les, établie dans les cieux. Donc c'est dans les cieux comme ça. Malgré tout le débat, malgré tout ce qu'on a fait au courant des siècles pour faire disparaître la Bible, l'Église catholique en a battu. Battu les gens, brûler les gens, prendre les rouleaux qui étaient divisés, brûler, voici la Bible, pas vrai? C'est l'Église catholique qui va finalement le feu, la Bible subsistera. Donc personne ne peut battre, même si ils ont compris maintenant que le combat avec la Bible n'est pas juste. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller maintenant avec les idéaux. Essayer d'amener les pensées avec la Bible. Mais la Bible avait déjà prévu qu'il ramène toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Amen. Amen. On peut avancer là maintenant. Pour le musulman, il y a encore au moins 64 enseignements pour contre eux là. Oui. Oui, mais toi là, tu as quel âge? 11 ans. Mais c'est vrai qu'il s'approche des 12 ans de Jésus qui était dans le temple pour poser les questions, pas vrai, frère? Donc, parce qu'il a cité Apocalypse. Combien de frères ici ont lu Apocalypse, mon frère? dis après chapitre 1 jusqu'au chapitre 1. Quand tu as ouvert le chapitre 1, tu as dit que sa tête était comme quelqu'un de fumée. Tu as dit que c'est qu'est-ce qu'on raconte ici là, tu as fermé. Que ses yeux étaient comme les flammes de feu. Tu dis que le type s'est fait effrayer. Tu fais, voilà l'enfant qui est d'Apocalypse. Allons-y, pose-nous la question. Dans l'Apocalypse, chapitre 1, à partir du verset 14 au verset 15. Oui. C'est le Seigneur qui a créé toute l'humanité. Oui. C'est lui qui a créé d'autres qui ne croient pas et d'autres qui. Qui croient. Et d'autres qui ont cru à sa parole. Mm-hmm. Pourquoi ici il a l'air fâché? Il t'a dit qu'il est fâché, pourquoi? Tu es fâché comme le Seigneur est fâché. Mmh. Alors, c'est ton père qui t'a accouché, c'est pas ton père ici qui t'a accouché. Okay. Regarde le vœu. Il ne se fâche pas parce que ce soir il te tape. Il t'a déjà tapé, non? Demande que papa, tu te fâches souvent, pourquoi? demande-lui lui-même. Pourquoi on comprend maintenant pour Dieu? Hein? Est-ce que ton père t'aime? Quand il te tape souvent, ça, tu fuis, tu pars comme ça, tu le regardes à distance. Quand tu le regardes, tu avec tes yeux, tu fais comment? Quand tu touches, pendant que tu as fait ton corps comme ça, là, tu penses que quoi? Tu dis que dans ton cœur, c'est que tu le détestes, n'est-ce pas? Mais après, quand il t'appelle, il donne la nourriture, tout ça est fini, non? C'est comme ça que Dieu fait avec nous. Est-ce que ton père t'a tapé pour rien? Tu as remarqué que c'est parce que tu fais des bêtises, non? Quand tu ne fais pas de bêtises, est-ce qu'il t'a tapé? Voilà, c'est comme ça que Dieu fait. Dieu se fâche parce que quand on fait des bêtises, d'accord? Quand on fait des choses qui ne vont pas, il nous tape. Et il ne nous tape pas pour nous tuer, pour nous corriger. N'est-ce pas? Voilà. Ça va? Autre question? Ou bien avance avec ce qu'on a vu ce soir, ce qu'on va voir ce soir. Frère, il y a la dernière question là, que tu n'as pas. Laquelle dernière question encore? Tu l'as fait. Non, finalement. C'est la même question. En détail, il a quitté la chaise, frère. Non, il pas. Contre que tu as dit que tu renvoies à la première question. Qui ici sait que j'ai répondu à la dernière question? Donc tout le monde sauf le frère ici. À ma soeur, non, il y a si le combat, il voulait que tu entres dans les détails. Mais comme tu as dit que tu renvoyais, ça se reportait à la précédente. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Justement. Donc, ce n'est pas de question, donc on avance. On peut avancer maintenant? Ok. Jean chapitre 12, j'ai donné Jean chapitre 12, après le Jean 2 Corinthiens chapitre 2, là, n'est-ce pas? Lisons le verset 26 de Jean chapitre 12. Verset 26 d'abord. On va lire quelque chose. Jean chapitre 12, le verset 26. On y va. Nous allons lire au fur et à mesure. On va construire quelque chose ce soir. Vous voulez qu'on construise, pas vrai? Amen. Vous aimez cette construction, n'est-ce pas? Parce qu'on donne les versets, on dit qu'est-ce que ça a à voir, de quoi est-ce qu'il veut parler, pas vrai? Mais moi, je ne sais pas. J'espère que quelque chose va sortir de bon là-dedans. Donc, le verset 26 dit, si quelqu'un me sert, qu'il m'ait. Et là où je suis, là aussi sera mon. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Frère, voici déjà les versets que quand je lis dans la maison, je me couche seulement et je me prosterne. C'est une grâce que de savoir que là, la position où tu te trouves, c'est la position que Christ veut. C'est une grâce que de savoir que la position où tu te trouves, le Père va t'honorer. Et c'est la promesse que Dieu a faite ici. Donc, première chose, il faut que je réfléchisse, oui ou non, si je suis en train de servir le Seigneur. Et remarquez très bien, ce n'est pas nous que le Seigneur doit servir, c'est nous qui devons le servir. Il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Qu'il me suive. Le Seigneur Jésus-Christ veut dire, il y a plusieurs voies qui peuvent distraire les gens, qui peuvent envoyer les gens dans l'autre direction. Donc, si vous dites que vous savez Jésus-Christ, c'est lui que vous devez suivre. Il y a plusieurs chants qu'il peut vous débrouiller maintenant avec ce verset-ci. Mais il peut prendre un de ces chants-là. Souvenez-vous qu'à la sortie de l'Égypte, Dieu a mis deux voies devant les Juifs. Il a dit que je te conseille de choisir la voie de la vie. Vous voyez? Afin que vous viviez. Il y a la voie de la mort et la voie de la vie. Christ, notre Seigneur, dit ici là, que si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Donc, si je sais Dieu, suis-le. Ne suis pas un homme. Ne suis pas une institution. Ne suis pas un groupe. Qui est-ce que vous devez suivre? Parce que vous ne servez pas une institution. Vous ne servez pas un groupe ni une personne. C'est pour ça que quand on commence à s'accrocher à une personne, tous les meneurs qui ont eu le cas, ils sont morts. Vous voyez que les gens sont allés à la dérive. Parce qu'ils étaient accrochés à la personne qui portait quelque chose bien, qui avait un message. Ne vous accrochez pas au messager. Accrochez-vous à celui qui a donné le message. Voilà tous les messages de la Bible. Quand vous lisez Esaïe, vous ne savez même pas comment Esaïe était, pas vrai? Mais est-ce que quand vous avez ouvert Esaïe, vous avez cherché à regarder son visage? Non. Vous lisez Esaïe chapitre 1. Il a dit que non, ma mère, chapitre 59, ma mère n'est pas assez courte. Vous vous en foutez d'Esaïe? Vous connaissez sa mère? Où il habitait? Non, parce que ça n'est pas, cela n'est pas important. Dans ces cas, pourquoi aujourd'hui on ne se focalise pas sur Christ, lui? Alors, Satan a un dessein. N'ignorons pas dans le dessein de Satan. Satan veut nous faire croire que la voie que nous marchons est droite, alors que ça ne le suive. D'accord? D'accord? On va voir le sujet. Quittons la voie du prince de ce monde. Merci, Père. C'est donc ça qu'on va développer maintenant. Et puis là, on va établir d'abord certaines choses. Donc, dans ce verset 26 du chapitre 12 de Jean, il dit si quelqu'un m'essaie, qu'il m'aie. Je veux que vous gardez bien à l'esprit ces petits bouts de phrases qui sont sortis de la bouche de notre Seigneur. Si quelqu'un me serve, qu'il me suive. Il dit que si quelqu'un le serve, là où il sera, là aussi sera son serviteur. Autrement dit, si tu sers Dieu, est-ce que tu es à la position que Christ t'attend? Le titre, c'est quoi, frère? Le prince de ce monde. Pour cela, il faut qu'on développe quelques petites choses tout autour, d'accord? 1. Il est une chose qu'on ne doit pas rater de vue, c'est qu'en réalité, le monde est sous la gouvernance de Satan. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas admettre cela. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas admettre cela. Mais on va voir avec les panoplies des versets que je vous ai donné, qui n'est pas exhaustif, on va voir avec ces versets-là clairement que c'est sous la gouvernance de Satan. Regardons le verset suivant, verset 31. Regardez. Maintenant, verset 31, je suis dans le même chapitre là. Vous avez moi, hein? Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince du ciel sera jeté dehors. De ce monde. Donc ce monde, c'est un prince, un chef, un roi. Et on dit qu'il est jugé maintenant, il sera jeté dehors. Donc le monde où nous vivons a un prince. Le mot prince là-bas, c'est chef, donc le gouverneur. Donc il y a quelqu'un qui a de gouverner ce monde. Le Seigneur Jésus dit à cette ère-ci, alors qu'il était physiquement là-bas, que maintenant a lieu son jugement. Et le jugement est l'exposition du Fils de Dieu à la croix. Le jugement de Lucifer, c'est l'exposition du Fils de Dieu à l'ignominie. Ça me fait comprendre. L'exposition de Christ Jésus à la croix a permis de juger Lucifer. Et pourtant, il ne viendra plus jamais au jugement. Il va seulement passer là-bas, dans le feu. Si vous lisez Apocalypse chapitre 20, le verset 10 et le verset 11, vous allez le voir directement, il fut jeté tout simplement. Après maintenant, les places vont s'asseoir, on va mettre le trône maintenant pour juger. Donc on va faire le jugement. Satan ne sera plus avec toi, mon frère. Souvenez-vous bien du titre de l'enseignement. Il dit, mais quand on va faire le jugement, quand le jugement dernier va se positionner, Satan ne sera même pas là, ni à ta droite, ni à ta gauche pour t'accuser. Ce sera toi et toi. Parce que lui, tu te trouves à l'intérieur. Si tu sors vivant, victorieux du jugement, tu ne le rencontreras pas. Si tu ne sors pas victorieux, tu vas seulement le retrouver là-bas. Vous me suivez, frère? Il dit l'Apocalypse chapitre 20, versets 10 et 11. On dit que le diable fut jeté dans le temps d'Adam de feu, là où il y avait. Donc même le diable vient seulement trouver le faux prophète et la bête à l'intérieur. C'est après maintenant que le trône s'assoit, on s'installe le trône maintenant et les morts ressuscitent maintenant. Donc à la résurrection, Satan n'est même plus là. On va ressusciter maintenant les gens, ouvrir les livres, comme ça, dire que toi sur la tête, tu as fait comme ça. C'est le diable qui m'a. Maman, le diable n'est même plus sur ça. Il a fait son rôle. Donc faisons attention au. Il faut qu'on examine nos voies pour voir si c'est lui qu'on a de suivre. Mais parce que le Seigneur jusqu'à dire que si on le suit, qu'on le sait, qu'on le suive. D'accord? Et dans Matthieu chapitre 28, verset 19, il avait dit, allez, faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, si vous suivez Jésus-Christ, vous devez suivre son enseignement. Vous devez demeurer dans son enseignement, vivre son enseignement. N'essayez pas de dire je suis chrétien, vous croyez c'est tout. Puisque le Seigneur Jésus a dit que faites les disciples, quand on fait les disciples, on doit les enseigner à observer. Donc, il est notoire qu'on vous dit que ce style de vie n'est pas correct. Parce que la Bible dit ceci. Il est notoire de vous dire qu'arrêtez cela. Parce qu'on dit par exemple que vos styles de vêtements, qu'est-ce que ça a à voir avec le salut? Jésus a dit enseignez à observer. Quand on fait les disciples, allez enseigner à observer tout ce que je vous ai prescrit, vous devez observer tout ce que je vous ai prescrit. Suivez ça, frère. Notez Luc chapitre 6, verset 40 à 49. Là. Dans ce livre de Luc, là, chapitre 6, dont je vais dire, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Jésus, notre Seigneur pose la question. Comment tu peux dire Seigneur, Seigneur, Seigneur, Seigneur, Seigneur, vous voyez, n'importe qui, Seigneur Jésus, avec le rasta, qu'elle a coiffé le rasta, mettre le... D'autres sont maintenant comme Chakara, Chakara, Chakara, vous appelez Chakara. Il y a l'autre qui est têtu là, comme ça, qui est insulte ses mains là, c'est Miki Jijash, Miki Nijash, c'est le chat. Quand elle a peint rouge ici, peint jaune ici là. Le Seigneur Jésus qui dit ici, celui qui, si quelqu'un me sert, verset 26, qu'il me suive. Donc si tu me sers, suis-moi. Si tu sais Jésus comment, tourne-toi avec quelqu'un, tu pointes son nez. Si tu sais le Seigneur, tourne-toi avec quelqu'un, pointe son nez. Si tu sais le Seigneur, suis-le. Ne suis pas tes intentions. Voilà. Le Seigneur n'a pas dit que si quelqu'un me sert, qu'il fasse ce qu'il veut. Non. Quand vous quittez votre style de vie, c'est ça la différence entre les religieux et les convertis. Les convertis ont déposé leur vie au pied de la croix. Afin que la vie de Christ entre en eux. Mais comment quelqu'un peut dire, Christ habite en moi, il dit, je peux faire de ma vie ce que je veux. Il n'est pas arrivé à Golgotha. Il est arrivé quelque part, il a vu le danger, il a retourné. Ah, vrai frère. Alors faisons attention. La vie du renoncement, c'est la vie d'abandon au pied de la croix. Il faut qu'on ait expérimenté l'œuvre de la croix. C'est donc pour cela, voici l'un des handicaps terribles qui fait en que la vie de Christ ne se manifeste pas en nous parce que nous n'acceptons pas que Christ, son œuvre s'accomplisse en nous. Nous bagarrons avec lui, avec notre vie de péché. Nous voulons encore vivre la vie de Christ. Et par conséquent, nous imitons seulement la vie chrétienne. En conséquence, on est en route pour arriver à Golgotha. Notez Hébreux chapitre 13. Verset 10. Donc, on a peur de l'opprobre de Christ. On a peur d'aller avec lui hors du camp. Parce que c'est là-bas que l'ignominie est exposée. Notre vie de vanité est exposée. Mais on veut donc, sur la terre, s'atteler à montrer aussi qu'on est quelque chose. Mais le Seigneur Jésus qui dit dans ce verset 31 que maintenant a lieu le jugement de ce monde. Le Seigneur Jésus qui ne dit pas que ce monde se sera jugé. Il dit, maintenant a lieu le jugement du prince de ce monde. Donc, le monde, si son chef est jugé. Si son chef est jugé, vous pensez qu'il a acquitté, il a été acquitté. Quand il n'y a pas d'acquitté, vous comprenez ce qu'il dit, n'est-ce pas? Quand quelqu'un vient au jugement, on dit, ce qu'on te reprochait là, c'est fini. Ça veut dire que tu as été acquitté. Vous pensez que, si on voulait construire, il dit bien, je veux construire quelque chose. Jésus, notre Seigneur, dit ici, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde-ci est jeté, sera jeté dehors. Vous pensez qu'à l'issue de ce jugement de ce monde-là, le prince a été accepté, a été réintégré? Non. Ce jugement-là est définitif et total, pas vrai? Il n'y a plus d'appel à faire. Parce que c'est la plus haute hiérarchie, la plus haute cour qui a pris la décision. Il n'y a pas de cour de cassation là-bas. La personne, c'est le juste juge qui a jugé, pas vrai? Alors la question que je vais poser, c'est, vous pensez que Satan est au courant du fait qu'il a été déjà jugé? Alors, ça veut dire qu'il n'est pas là pour blaguer avec vous. Quelqu'un qui est condamné à mort, si tu fais n'importe quoi, il peut t'enlever les yeux. Parce qu'il est déjà condamné, on ne peut pas tuer quelqu'un plus que comme on voulait le tuer. Parce que si on va le penser, si la condamnation c'est la pendaison, bien par asphyxie ou bien par fusillade. Si il a coupé une tête, on a condamné à mort. Si il coupe deux, on va condamner quoi? Il est déjà condamné à. Déjà ton voisin, pointe encore son nez, Satan est un condamné à mort. Ne flirte pas avec lui. Voilà. Donc, c'est là qu'on va construire au fur et à mesure. Donc, le Seigneur dit à Saint Jean, chapitre 12, verset 26, que si quelqu'un me serve, qu'il me suive. Et si quelqu'un me serve, là où je serai, là aussi sera mon serviteur. Donc, le serviteur du Seigneur n'est pas indépendant de lui. Il est à la position que Dieu l'attend. Pas vrai? Et c'est à cette position-là, c'est là où Dieu l'honore. Donc, si tu n'es pas à la position que le Seigneur t'attend, alors forcément, tu n'es pas en train de le suivre. Parce qu'il a une position destinée pour chacun. Et c'est là où le Père va t'honorer. Vous me suivez? Maintenant, ici, il dit le prince de ce monde-ci est jugé. Il sera jeté au dehors. Maintenant, écoutez très attentivement. Les chrétiens disent trop souvent que nous ne nous concentrons pas sur Satan. Allons dans 2 Corinthiens, chapitre 2. C'est le premier verset, pas vrai? Voilà. Gardez le doigt dans ces Luc, dans ces Jean. On va aller au chapitre 14 parce que je crois que j'en ai donné également. Je vais donner cela, frère. 2 Corinthiens chapitre 2. Lisons un seul verset là. Le verset 11. Mais je vais lire le verset 10 et puis j'ai pas le temps d'expliquer ce qui se passe là-bas par rapport à 1 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 2. Que Dieu vous bénisse alors que vous supportez la chaleur. Souvenez-vous que la chaleur de l'enfer est plus pire que cela. Donc moi je supporte ici. Même quand, quel qu'en soit le style de climatisation que l'ingéniosité humaine puisse inventer, l'enfer ne sera pas glacé. Verset 10 du 2 Corinthiens chapitre 2. On y va. L'homme est créateur, non? Ils sont là confrontés Dieu, non? Qu'ils inventent une machine qui va glacer l'enfer. Ou bien qu'ils essaient d'inventer un truc qui va aller pour, qui, quand il sera en enfer, il va appuyer, ça va verser l'eau pour que, même si l'eau sort comme ça du bidon, ça va chauffer seulement. Ok. Verset 10. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Souligne, frère. L'apôtre Paul dit qu'on connaît le dessein de Satan. Comment un apôtre peut connaître le dessein de Satan? Le dessein. Afin de ne pas, regardez, il dit là-bas, afin de ne pas laisser Satan avoir l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Les desseins de qui? La question c'est, l'apôtre Paul André dit que les desseins de Satan, c'est quoi au juste? Il dit que si vous les ignorez, on ne peut pas le laisser avoir l'avantage. Ça veut dire que si vous laissez Satan avoir l'avantage sur vous, vous êtes fichu. Vous serez dans ses desseins. Il a un dessein, Satan a un dessein à accomplir. Il a un objectif. Nous n'ignorons pas les objectifs de Satan. C'est l'apôtre Paul qui dit, si pas vrai. Il y a des choses que les gens parlent, je les regarde seulement dans l'ignorance. Que non, vous parlez tout de Satan. Laissons Satan là où il est. Oui, c'est Satan qui a des faits comme ça. Pourquoi tu le laisses là où il est sans savoir ce qu'il a de faire ou ce qu'il a de faire par rapport à ce que nous sommes censés faire? Il a l'avantage sur toi. C'est l'apôtre Paul qui dit ça, frère. Afin de ne pas laisser Satan avoir l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Vous avez moi? Rentrons au chapitre 14 des Jean. Donc, autour de nous, vous devez savoir que le règne du mal transcende seulement tout ce que vous pouvez voir avec vos yeux. Ces choses-là se retrouvent dans les cieux, sont décidées dans les cieux, dans les strates célestes. Les décisions sont appliquées ici. Et l'objectif, c'est la terre. On va y aller. J'espère que Dieu va nous permettre de, qu'on en finisse avec ça aujourd'hui. Chapitre 14, là, le verset 30. On y va. Je ne parlerai plus guère avec vous. Pourquoi, frère? Car le Père du monde vient. Il dit, je ne parlerai plus guère avec vous. Parce que le Père de ce monde aussi s'en va. Il vient. Il fait quoi? Il vient. Il venait où? Sur la terre. Je vous pose la question. Donc, il habite dans où? Sur la terre. Où? Vous connaissez sa maison? Quand c'est sa maison, on part en cadeau, on envoie le feu là-bas. Hein, mes frères? Permettez-moi d'expliquer quelque chose. Vous avez lu le livre de Job, frère? Je vais poser une question. En fait, il y a des choses qui sont dites chaque fois dans les enseignements, on ne sait pas, mais je vais essayer d'avancer un peu sur un plan aujourd'hui. Vous avez lu le livre de Job au moins une fois? Oui. Si vous avez lu le livre de Job, vous avez lu au moins le chapitre 1 et le chapitre 2. Vous avez vu la confrontation où les fils de Dieu se réunissent et que Satan lui-même vient se présenter. Vous avez vu comment Dieu lui a donné la main d'aller frapper Job. Vous avez vu les quatre fléaux qui ont frappé là-bas. Quand il a commencé à frapper, il a passé au fil de l'épée ses serviteurs. Le vent est venu souffler. Qui était derrière le vent? Le catastrophe naturelle peut être contrôlée par Satan. Allons dans le livre de Job et lisons un verset là et puis je vais vous expliquer quelque chose. Job. Si vous ouvrez le psaume, vous rentrez directement. Si vous ouvrez la Bible normale, vous avez les différentes versions, les versions, c'est votre problème. Vous y êtes? Merci. Chapitre 1 de Job, verset 16, je vais lire à partir de là. Donc il y a une succession de preuves qui est en train d'arriver, d'accord? Quelqu'un va annoncer que telle chose s'est passée, telle chose s'est passée. Puis au verset 16, il dit, il parlait encore de la personne qui est en train d'expliquer à Job ce qui s'est passé. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel. Soulignez-moi l'expression là, le feu de Dieu est tombé du ciel. vous y êtes frère. Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Maintenant, je vais lire le verset 11 et 12, vous voyez. C'est Satan qui dit à Dieu maintenant, au verset 10, au verset 9 même d'abord. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa femme, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais dans ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr, le gars est sûr, il est toujours sûr, il rate chaque fois. Et je suis sûr qu'il te maudira en face, c'est ça? Maintenant, regardez verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. La question que je pose, le feu là, qui a envoyé? Satan. Pardon frère? Satan. Non, je réponds à la question que j'ai posée. Le feu là, qui a envoyé brûler? Satan. Alors quand vous envoyez le feu sur Satan là, lui aussi a son feu. Répondez-moi. Il dit sur les choses qu'il dit chaque fois dans les enseignements, vous ne comprenez pas. Le moment est arrivé que j'y parle. Vous savez comment on l'appelle lui, Lucifer? Vous savez à base de quoi il est fait? L'ange de lumière. Vous voyez que Satan envoie le feu lui ou non? Continue d'envoyer. Donc dans Jean chapitre 14, le verset 30, il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Donc le Saint-Jésus veut dire que s'il vient dans mon corps, il n'y a pas quoi que ce soit qui puisse me reprocher. Donc il faut que Satan, en venant dans ta vie, qu'il ne trouve rien qui lui appartient, qu'il n'y ait pas de fornication et tout ce truc que vous ne tenez pas besoin de citer. Que ça ne se trouve pas en toi, qu'il n'y ait pas de cupidité, de mauvaises pensées, des choses impures, que ça ne se trouve pas en toi. Parce que ça se trouve en toi, il va te réclamer. C'est pour ça qu'il a frappé son égoïste sur celui qu'il ne pouvait pas. C'est le fait qu'il ait frappé l'innocent. C'est ça qui a causé justement sa perte. Parce que la justice de Dieu ne veut pas qu'on frappe quelqu'un qui n'a rien fait. Vous voyez cela? Le Christ a porté sur lui, il a mis son aiguillon de la guerre. Boum, oh mon, où est ton aiguillon? C'est entre la pape, ça a disparu parce qu'il n'y a pas de justification, tu meurs. Alors la mort du Seigneur Jésus-Christ a été l'exposition de l'ignominie de Satan et sa perte. Où je veux? Mais le volet indique que le prince de ce monde se vient. Il arrive. Il est où maintenant? Allons-y, dans Ephésiens, suivons-le. Ephésiens chapitre 2, rapidement. Vous êtes content, frère? Amen. Donc, arrêtez de croire que la personne que vous appelez Satan, non, Satan n'est pas là. Satan, c'est toi, Satan, c'est moi. Ne pas accuser Satan. Il faut l'accuser parce que c'est lui, le chef accusateur. S'il y a n'importe quel mal ici, c'est parce qu'il a orchestré. S'il n'a pas perdu ton cœur, tu pouvais mentir à ta femme. Hein, frère? Non. Donc, même s'il y a n'importe quoi, même si tu as ta responsabilité, il est d'abord sa responsabilité. S'il y a n'importe quel. Vous savez, quand les policiers font les enquêtes, dans un quartier, si on a déjà tapé les bandits, s'il y a un vol dans un quartier, première cible, on les cible d'abord parce qu'il y a au moins des éléments qu'on sait que d'abord ils sont d'abord coupables, même si l'acte, si ce n'est pas eux qui ont volé. Ils doivent savoir quelque chose sur ça. N'est-ce pas, frère? Si vous, dans une maison, vous avez 5 enfants et un enfant qui vole toujours. Quand quelque chose s'égare, première chose, on regarde qui? Quand les gens sont assis, on se tourne, on regarde qui d'abord? Alors qu'il y a un simagré comme ça qui fait tout comme un agneau, on se trouve le père quoi que ce soit remplaçant. Ephésiens chapitre 2. On y va. Vous étiez morts par vos offenses. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Hein? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, virgule, selon le prince de la puissance de l'air, virgule, de l'esprit qui agit demain dans les fils de la rébellion. Comment? Maintenant. Donc, beaucoup de choses viennent nous être dites. Il dit, vous qui êtes chrétiens, maintenant vous vous réveillez maintenant, sachez qu'en réalité, vous étiez d'abord mort. Vous vivez comme ça là. La marche que vous marchez, vous pensez que vous jouez la vie. Comme vous voyez les gens voient en bas de nuit. Il faut qu'ils croquent la vie. Il faut qu'ils sortent, je me réjouis. Ils croient que c'est lui qui allait le faire. Ils ne savent pas que c'est l'esprit des rébellions qui le conduit. Parce que la Bible n'a que deux solutions. Dans Galates 5, verset 16, il dit que j'ai dit donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a le désir contraire à ceux de l'esprit. Ils en ont des contrats afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Donc toi tu es au milieu là. Soit tu es conduit par l'esprit, soit tu es conduit par la chair. Tu n'as pas de choix. Ah, j'ai envie de voir la Guinness. C'est qui? Qui? La chef. Qui est derrière la chef, frère? Faut que je me sente à l'aise. J'ai envie de. Et la Bible déclare que l'envie même, d'ailleurs, c'est un péché. Le simple fait que tu aies envie, c'est un péché. Maintenant, regardez ici. Il dit que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Donc, ces personnes ne marchent plus. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Selon, merci frère, selon le train de ce monde. J'aime l'expression de la Bible quand on parle de train. Parce que vous voyez que le train, il ne parle pas des écalas. Le train est composé de wagons moteurs, de la locomotive, puis il y a des compartiments. Et vous remarquez que lorsque vous allez payer le train, il y a ce qu'on appelle le classe VIP, le train marchandise et autres, pas vrai? En maintenant sur le plan spirituel, ça veut dire qu'il y a la locomotive conduite par le prince de ce monde. La garde, et ça c'est où frère? En enfer. Premier wagon qui est le VIP, c'est le péché sexuel. Donc d'autres personnes étaient dans le wagon, le péché c'est... Yes. Quand ils sont maintenant, ils disent frère, la pornographie, vous voulez me tuer la masturbation, vous voulez me tuer la masturbation. Regardez bien, verset 1 encore. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Et la marche là, c'était selon, regardez bien, selon le train de ce monde, virgule, selon le prince, donc selon le, ça veut dire que le train était conduit par le prince de la puissance de l'air. Donc, quand vous faites vos choses, on envoie passer, là, il se trouve en haut. Le prince de la puissance de l'air, celui qui conduit le train. Et où nous avons convenu que c'est en enfer qui dirige. Donc le train, là, on n'a pas donné la longueur du train. Donc le train, c'est par compartiment. Il y a d'autres personnes que peut-être quand ils entrent dans le train, vous savez, remarquez qu'il y a les portes d'un train qui sortent d'un wagon à un autre. C'est comme là-bas, ce sont les gardiens. Il y a les démons qui contrôlent la fornication. Quand tu quittes, ouf, la fornication va me tuer. Tu t'es marié, tu pars d'un wagon à un autre. Maintenant, c'est l'adultère, le wagon de l'adultère qui te tente. On dit que tu as traversé le wagon là. Tu es dans le wagon VIP maintenant pour les adultères. Donc tu es décaté, tu es marié, maintenant tu commences à combattre l'adultère. Donc tu as quitté l'autre wagon à un autre. Mais ça conduit toujours où? Vous allez voir un père conseil des enfants que non, vous n'avez pas goûté ces choses-là. Quand tu as ta fille, tu vois un garçon, viens ici, il n'aime pas ça. Pourtant, c'est ça qu'il fait avec les enfants, les autres des en donnant de bons conseils, il est quand même dans le wagon. Il est dans le wagon en train de conseiller quelqu'un qui sont dans le même wagon. Que n'est pas là, en fait. Le truc, ce n'est pas bien. Mais il part tout ensemble. Alléluia. Amen. Vous comprenez pourquoi le monde n'a pas d'instruction à donner aux chrétiens? Parce qu'il a dit que vous marchiez autrefois là-dedans. Parce qu'on n'est plus là-dedans. Donc, alors vous asseoir devant la télévision que je m'en vais voir Nollywood. J'aime le film Nollywood là parce qu'on me dit à l'intérieur de ne pas forniquer. Mais eux qui tournent là sont dans le même train. Parce que la question c'est qui les inspire? Répondez. Alors, si c'est lui, alors il a maintenant le wagon des tourneurs des films pour montrer ce qui se passe dans tous les autres wagons. C'est eux qui font cela. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, alors il dit de l'esprit qui agit maintenant. La Bible déclare maintenant, entouré maintenant. L'esprit là agissait quand ou ça agit quand? Donc, à l'heure où nous sommes en train de parler, maintenant le train est en train de conduire toujours. L'essence ne finit pas là-bas. L'essence n'est. Et ce n'est pas plein, frère. Parce que la Bible déclare qu'il y a des choses que l'enfant qui est insatiable, qui demande toujours, l'œil qui regarde ne se rassasie pas, et l'abîme qui nous dit que viens, viens. Vous avez vu la terre est pleine parce que les gens sont morts. Les gens qui sont passés sur la terre, vous avez vu, on a enterré, il n'y a plus de place. Mourir, tout ça va vous enterrer, il y aura les places à construire. Donc, regardez bien ici, il dit selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Donc, toute personne qui n'est pas avec le Seigneur a un esprit en lui qui le conduit. Vous voyez pourquoi on doit être rendu grâce à Dieu pour toutes choses, chaque fois, quand vous vous souvenez de ces choses-ci, en regardant tout seulement de là où Dieu vous a pris, pour que vous a, dans Colossiens chapitre 1, verset 2, il dit rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres. Donc, pendant que le train allait comme ça, il a fait comme ça, vous péchez de train. Le train continue, tu es à l'intérieur. 1 Pierre donc dit que, alors c'est dans 1 Pierre, mettez le doigt là, on va y revenir rapidement. 1 Pierre, 1er épître de Pierre. Vous y êtes? Regardez le chapitre 2 de 1 Pierre rapidement là-bas. Je vais lire parce que je t'en ai parlé quelque chose et puis ça m'a amené là-bas. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 11. Regardez. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Vous avez vu, non? Ou même vous avez vu, non? Voyageurs sur la terre. À vous abstenir des convoitises. Convoitise quoi? Charnel. Qui font la guerre à qui? À l'âme. Vous avez vu ça? À l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Allons-y au chapitre 4 là. On y va. Maintenant, regardez. Verset 3 du chapitre 4, regardez. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé, vous avez vu, dans le temps passé, accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Comme celui-ci disait dans son témoignage de départ là-bas, que son frère, comme il a dit qu'il n'est plus avec les célébrations des clans, la calomnie va commencer. Ils vont trouver étrange que mais nous étions ensemble, nous sommes nés dans le protestantisme, on était catholiques, tu veux montrer quoi? Il est devenu, il est entré dans les sectes, la Bible dit ça. Ils trouvent étrange, ils sont, c'est étranger pour eux comme. Comment se fait-il qu'il ne veut pas faire la même chose comme nous? Nous sommes nés là-dedans, tu veux montrer quoi? Il ne peut pas comprendre le mystère de la délivrance. Et ces choses qu'on dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable de prendre part à l'héritage du Saint de la Lumière. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres, il nous a transporté. Bien que vous soyez physique là-bas, il a transporté. C'est par conséquent, tes pensées, tu n'es plus régi par les pensées criminelles de ce monde-ci. Tu vis dans le monde n'étant pas conforme aux pensées de ce monde. Donc si quelqu'un est dans le monde, se disant chrétien, et vit avec les principes du monde, vivre comme le monde en train de faire, il en train de se tromper, le train en train de l'entraîner. Il est dans le train de Satan en train de chanter, je veux chanter pour Jésus, il est le... Qui ne chante pas, Jésus est le roi. Le train va toujours continuer, il n'y aura pas de stop là-bas. Ça va toujours aller jusqu'à l'enfer. Amen. Maintenant, regardez bien, verset 5 dit, il rendra compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Amen. Je voulais vous montrer tout simplement pour dire que nous devons rendre grâce à Dieu parce qu'il y a un train qui est en train d'avancer. Lorsque vous êtes sorti de là, de ce train-là, vous regardez le derrière, vous voyez effectivement que votre âme était en Dieu. C'est votre âme qui allait là-bas. Parce que Satan peut vous donner n'importe quelle satisfaction. Pourquoi tu crois que c'est toi qui as décidé ça se faire? Il sait que ton âme est en Dieu. Et le Seigneur dit dans ces Matthieu chapitre 10, verset 8, il dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et faire périr l'âme dans la géhenne. C'est celui-là que vous devez craindre. D'accord? Donc, nos âmes sont en danger. Et c'est le Seigneur qui dit donc, en fait, la meilleure façon pour être sécurisé, c'est de suivre là où il se trouve. Marcher comme il veut qu'on marche. Et pour cela, on doit être préservé par les enseignements. Vous me suivez, frère? Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes. Si tu fermes la parole du Seigneur, tu déposes de côté. Tu marches où pour juste? Ah, non, j'ai vu un film annulé là. Un pasteur qui a violé une fille. C'est pas étrange. La Bible déclare que par cupidité, ils trafiqueront au moyen de façon trompeuse. Il dit qu'ils ont les yeux insatiables de péché. Pleine d'adultère. La Bible a déjà dit ça. Le monde n'a pas besoin de t'informer. La Bible, Jésus dit, nous sommes la lumière du monde. Il n'a pas dit d'aller apprendre quelque part. La lumière, c'est ce qui apporte la vérité, qui éclaire. Donc le monde n'éclaire pas le croyant. C'est le croyant qui doit éclairer le monde. Il dit que votre lumière luise parmi les hommes. Les hommes, les chrétiens vont regarder comme ça, que les hommes ont dit quoi ici aujourd'hui? Il est dans le train. Ça soit comme ça, Jack Boy est en train matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Il voit Jack Boy, ça ne finit pas, il met prison break. Après maintenant, les chevaux de Troie. Il met les séries maintenant. El Diablo, ça finit, il met l'autre série. Et il y a des gens, les évangélistes sont niveau par niveau. Il y a des gens qui ont tourné à Hollywood. D'autres qui vont copier sur Internet, mais tu peux dire, l'autre marche sur ma maison, mais quand. Parce que Satan se dépropose. Tu prends l'argent que Dieu t'a donné, tu as coulé à ceux comme moi, tu achètes, tu mets à la maison. Tu dis à Dieu, à la fois avec ce autre-ci, que tu déranges. Tu mets maintenant El Diablo. La beauté du diable. Le titre dit qui est là? La beauté du diable. La nuit de la séduction. Si quelqu'un dit la nuit, laisse-moi, il faut qu'il me séduise. Donc on dit que le prince de la séduction, c'est qui? Et il est là que je veux me séduire. Où est ça, frère? Où est le titre du nom? Le péché capitaux, sept péchés capitaux. On met l'autre encore, la tentation. Il dit qu'il me laisse tenter. Après ça, il dit, Seigneur, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Qui t'a demandé? Vous me suivez, frère? Amen. Pointe encore le nez de quelqu'un. Dis, si tu sais Christ, suis-le. Suis-le. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. Dans Luc au chapitre 10, donc, le Seigneur Jésus-Christ donc, a dit à tous ceux qui nous suivent, dans le verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Le Seigneur n'aurait pas donné cette précision, ce pouvoir, cette autorité-là, si nous ne devons pas être en combat en plein milieu. C'est parce qu'il sait que nous a laissé la priorité à l'ennemi, il faut aller qu'il nous donne des choses pour la part avec lesquelles nous allons les battre. Pour que quelqu'un vient sur la terre sans armes, vainc toute une armée étant seul, sort, laisse ces gens qu'il a sauvés là-bas, en leur donnant seulement la parole, que ne les craignez pas, restez là-bas au milieu. vous devez savoir qui il est. Pas vrai, frère? Les militaires, attends, les militaires, dans la zone de Boko Haram, dit qu'on les laisse là-bas. Même si tu lui donnes n'importe quoi, n'importe quelle prime, il sait effectivement ce que Boko Haram fait, pas vrai? Hein? Quand il t'attrape, il sait ce qu'il fait, non? Même si on dit que parmi les militaires, qui est le plus valeureux, quelqu'un va faire quoi? Les militaires vont dire que toi qui parles d'abord, toi-même va là-bas. Pas vrai? Mais le Seigneur a prouvé qu'il est digne de confiance. Il est venu comme il avait prévu qu'il devait venir. Il a subi comme il a dit qu'il devait subir. Il est ressuscité comme il a dit qu'il devait ressusciter. Il est monté comme il a dit qu'il devait monter, donc nous pouvons le suivre. Amen. Donc il est venu en territoire ennemi. Il nous a sauvés. Allez, il nous a laissés ici. Mais le plus grand, c'est qu'il nous a donné l'autorité sur cette puissance-là. Parce que cette puissance-là sont réelles. Donc ne vous leurrez pas en croyant que comme je reste tranquille, il ne va pas de secours, Satan n'est pas là. Il a l'œil sur toi. La Bible déclare qu'il se promène comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Vous n'allez pas le voir. Alors si la Bible dit que cherchant qui dévorer, il faut que vous posiez la question au Saint-Esprit. Comment est-ce qu'il cherche qui dévorer? Un peu nous a dit tout à l'heure que par les convoitises, j'en ai qui font la guerre à ton âme. Donc Satan va susciter les choses qui vont t'attirer vers son coin. Monsieur le frère, Satan ne vient pas te dire que suis-moi, suis-moi. Non, non, non, non, non. Il met des choses, il l'étudie. Un démon vient dans toi, il te trace. Il voit tes lectures quotidiennes. Il voit comment tu dors. Quand tu n'es pas avec les frères, c'est que tu agis. Les démons, c'est toi qui as grandi. Après, tu pars au miroir, tu regardes les cheveux blancs. Lui, il n'a pas de cheveux blancs depuis. Ils sont même depuis. Vous comprenez? Alors, il reste là. Quand tu grandis, il te regarde. Il voit tes comportements. La Bible déclare que l'enfant laisse déjà voir comment son comportement sera plus dès le départ. Donc, quand il voit quelqu'un à la tête, quand son père dit que sors, il ne sort pas. Quand ton père dit que ne touche pas, par derrière, quand personne est là, il guette comme ça, il guette, il ouvre la main, il se crie. Il dit, vas-y, mon petit, tu es un bon élément. Alléluia. L'enfant s'est grandi. Tu vois un enfant qui a les bosses partout. Et si tu touches un enfant de 2 ans, sa tête est plus que la noix de coco. Qu'on a déjà tapé, fatigué. Il est en formation. Quand il grandit, on a dit que son père, il a dépassé ton père à l'âge de 14 ans. Non, le Seigneur, c'est un enfant vendu. Il n'est pas vendu. On n'a pas été vigilant que le prince de ce monde soit contre lui. Alors quand il grandit, donc, il arrive, il a étape par étape. Il a déjà des bases, des choses qu'il peut aimer dans la vie, qu'il croit que c'est lui qui aime, mais on lui a été, ça lui a été suggéré. Il va aimer le casino. Il est né avec, il aime le casino de ventre, frère. D'où est-ce que le casino sort? Comme il aime comme ça, là, quand il volait ici, là, maintenant, mettons-lui un autre. Waouh, PlayStation, comment ça? Le jeu, pour moi, on met 25. D'où est-ce qu'il peut prendre 25? Il vole chez le père. Donc, on est en train déjà à voler quand quelqu'un n'est pas là. Parce que plus tard, il va voler à la banque pour aller cette fois-ci au casino où on a dépensé cela. Satan donc a donc mis des choses qui doivent nous attirer pour satisfaire ce que nous avons en nous. Vous me suivez, mes frères? Oui. Alors donc, ne suivons pas la lignée des princes de ce monde. Il a une décision, un dessein. Et l'apôtre Paul nous a dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 10 et 11, que nous avons lu que nous ne dirons pas ses desseins. Allons voir dans l'un de ses desseins, d'accord, frère? Vous êtes fatigué? Non, non, frère. Allons voir dans l'un de ses desseins. Ésaïe 14. Ésaïe. Vous êtes content, frère? Que notre Seigneur vous bénisse. Abondamment. Ah, c'est qu'aujourd'hui, là, vous me laissez prêcher vraiment bien. Pourquoi je suis en train de faire ceci? Parce que sur la terre, des choses sont censées arriver. Il y aura l'abandon. Beaucoup de personnes vont abandonner le Seigneur. J'espère que j'ai parlé. Ok. Beaucoup de personnes vont abandonner le Seigneur. C'est que quand ça tombe dans ton oreille, que tu saches que ça, tu avais déjà suivi qu'il y a un train qui allait dérouler. Fais attention de ne pas entrer dans ce train-là. Et la façon de faire, ces choses-là, c'est de demeurer. Enfin, le Seigneur donne la solution. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Il a dit ça. Donc, à chaque étape de votre marche désormais, vous devez vous poser la question, suis-je en train de suivre le Seigneur? Vous n'avez pas besoin, ou bien suis-je là où le Seigneur veut? Vous n'avez pas besoin de regarder que le Seigneur, est-ce que tu es là? Il dit, oui, tu es, je suis ici. Vérifiez seulement si votre vie est à la lumière de la parole. Si votre vie est à la lumière de la parole de Dieu, restez calme. Si votre vie est à la lumière de la parole de Dieu, restez calme. C'est donc pour cela que la Bible nous a dit qu'on fait le check-up chaque fois. Qu'on s'examine pour savoir si on est dans la foi. Quand vous avez examiné, il n'y a rien qui vous repose. Restez tout simplement calme. Voilà. Ésaïe chapitre 14. Il vient de la partie verset 3, doucement, pour vous suivre. Ésaïe chapitre 14. Nous voulons voir les desseins de Satan afin que vous compreniez clairement quelle est sa mission. Le pourquoi il est sur la terre. Il n'est pas sur la terre pour venir faire que vous voyez le film d'action. Non, non, non, non, non, non, non. Non. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. Vous l'avez vu là? Vous avez vu ça, frère? Sur le roi de Babylone. En réalité, physiquement, il en a parlé d'Israël. Mais il en a s'adresser de quelqu'un. C'est merveilleux, tout la façon de dire le parler. Regardez. Et quoi? Le tyran n'est plus. L'oppression a cessé. L'Éternel a brisé le bâton des méchants. la verge des dominateurs. Celui qui, dans sa fureur, ouais, comment Dieu parle? Il a dit des dominateurs, subitement, il parle maintenant de celui, pas de ceux. Oh frère, c'est les prophètes ça maintenant. Celui qui, dans sa colère, subjuguait des nations. Je veux que vous voyez la personne dont on parle. Maintenant, suivez attentivement. Est poursuivi sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Les cyprès même, les cèdres du Liban se réjouissent d'état. Chut. Vous avez ça, frère? Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir. Attends, on arrive. Pourtant, il parlait du pluriel dès le départ. Maintenant, regardez très attentivement. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole, tous les rois des nations prennent la parole. Donc, ça veut dire que c'est un être humain différent ici, des rois. Tous prennent la parole pour te dire, Toi aussi, tu es sans force comme nous. Vous avez vu ça, frère? Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Donc là, c'est la personne aussi avec le ministère des musiques dans le ciel. Avec le son de tes luttes. Sous toi est une couverture de verre et les verres sont ta couverture. Te voilà tombé Dieu. Vous avez vu la personne maintenant finalement? La personne tombe d'où? Et le Seigneur a dit ici, dans ces gens chapitre 12, que maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Vous avez vu ça, frère? Maintenant, te voilà tombé du ciel, astre brillant. Soulignez astre brillant. Vous écrivez au-dessus Lucifer, parce que dans l'original, normalement, c'est Lucifer. D'accord? Parce qu'il y a pas de signe, maintenant, on confond maintenant à Jésus. D'accord? Donc, écrivez Lucifer au-dessus. Bon. Te voilà tombé du ciel, Lucifer. Donc, c'est l'un des endroits, ou bien l'unique endroit de la Bible où le nom de Satan est clairement mentionné. Parce que c'est son nom qui est mentionné là-bas. Te voilà tombé du ciel, Lucifer. D'accord? Fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur. Normalement, c'est dominateur qui doit être là-bas. Le oppresseur. Normalement, le mot dominateur, là, ça n'a pas son essence là. Normalement, c'est oppresseur. Toi, l'oppresseur des nations. Toi, le dominateur. Maçon, c'est pas vainqueur, le vainqueur, celui qui part, qui est le vainqueur, c'est Christ Jésus. D'accord? Toi, le dominateur des nations, tu disais, maintenant, regardez bien, tu disais dans ton. Donc voici ce dessin maintenant qui va être démontré, qui va être dévoilé. Et l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 2, c'est Kameko. Ou bien c'est les gens des bases militaires, parce que quand ils portent, les pétoles bougent. Maintenant, tu es abattu à terre, toi le dominateur des nations. Verset 13. Remarquez bien, c'est pour celui qui n'aime pas le chiffre, tu ne sais pas le 13. Regardez bien dedans. Tu disais en ton cœur, première chose, on a de nous dévoiler ce que Satan dans le ciel, il méditait dans son cœur. Tu dis que c'est le Seigneur qui nous dévoile ses desseins. C'est pour ça qu'il faut que vous compreniez ces choses pour savoir où vous en allez marcher. N'oubliez pas, le titre de l'enseignement, c'est quoi, frère? Voilà. Vous savez que vous prenez un train qui est défectueux, vous savez où ça va vous amener à Jéka, n'est-ce pas? Il dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Ça c'est un. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Soulignez les étoiles de Dieu. Donc Satan avait même pour dessein de régner sur les anges et sur les enfants du Seigneur. C'est son dessein ici. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 2, verset 10, que afin de ne pas laisser Satan avoir avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ce dessein. Parce que le verset 9 là-bas dit, parce qu'en réalité, l'apôtre Paul a fait état de ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 1. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 5, il y a un homme là-bas qui avait couché avec la femme de son père. C'est ce qu'il a dit, qu'un homme soit livré à Satan pour la destruction du corps. Vous voyez? Maintenant, suivez attentivement. Suivez-le attentivement. L'apôtre dans 1 Corinthiens, quand il a pris la première lettre, il dit qu'on entend dire parmi vous qu'il y a des païens, qu'il y a de l'impurité au milieu de vous, au point où quelqu'un a les femmes de son père. D'accord? Il a dit ça. Il a dit que quel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Comme ceux-ci ne connaissaient pas que c'est mauvais. Parce que c'était la pratique, ils pouvaient vivre n'importe quoi dans la prostitution. Quand l'enseignement est venu, il s'est repenti. Dans la deuxième lettre, maintenant, il dit, oh là, c'est le moustique là. Dans la deuxième lettre, tu le caresses seulement, frère. dans la deuxième lettre, donc, il dit maintenant, oh, à celui que vous pardonnez, je pardonne aussi. Et si j'ai pardonné, c'est à cause de vous et en présence de Christ. Donc, comme la personne s'est repentie, le pardon est obligatoire. Et comme le pardon est obligatoire, il dit que on a fait comme ça afin de ne pas laisser Satan avoir l'avantage à nous. Comme Satan avait entendu que quand le livre entre ses mains. Vous voyez, si il pardonne, on refuse, Satan a l'avantage. Il prend la personne. Il peut nous accuser parce que c'est son nom, Satan. Vous suivez ça, frère? Oui. Alors, c'est ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens pour expliquer. C'est passé dans 1 Corinthiens chapitre 5. Maintenant, il dit que quand nous n'irons pas ce dessein, donc, c'est de régner sur les enfants du Seigneur. Ce dessein, c'est le dessein principal, c'est que les enfants du Seigneur du Très-Haut l'adorent. Comme vous avez vu dans ce livre d'Hébreux chapitre 1, que tout, quand il introduit le premier né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Quand le Seigneur Jésus a été introduit dans le monde, Dieu a déclaré que tous les anges de Dieu l'adorent. Satan veut cette adoration-là. Je vous ai lu Luc chapitre 4 aujourd'hui, n'est-ce pas? Souvenez-vous, dans le chapitre 4 à la tentation, sous les versets 1 jusqu'au verset 10, la Bible déclare que Satan va venir nous tenter. Il va dire un moment que prosterne-toi devant moi et adore-moi. Et je te donnerai ce royaume-ci avec sa gloire. Car cela m'a été donné et je le donne à qui je veux. C'est une déclaration fracassante. Donc, quelqu'un refuse que non, Satan ne règne pas sur moi, tu manques, tu es dans son territoire. Et si tu refuses d'être dans son territoire, tu es quand même dans le territoire. Le Seigneur Jésus-Christ a même dit qu'il nous laisse dans le monde. Il dit prenez courage. Quand la Bible parle de l'expression prenez courage, il faut vous mesurer ce que l'André vous l'a dit. Il veut dire la difficulté, ce n'est pas facile pour vous. Mais. Soyez forts, vous voyez, mes amis, soyez forts. Donc ici, la Bible nous explique dans le dessein de Satan. Et l'un de ces desseins est dévoilé dans comme l'apôtre nous a dit, nous n'irons pas ce dessein. Le dessein ultime de Satan, c'est de se faire adorer. Jusqu'à ce qu'il est approché pour que le Fils de Dieu l'adore. L'adoration qui est due à Dieu. Autrement dit, Satan veut prendre la place de Dieu. Donc Satan est le premier instigateur des coups d'État. C'est que vous voyez quand quelqu'un dit, Paul a duré au pouvoir, il a trop duré, il faut qu'on fasse le mieux pour aller le faire sortir. C'est un esprit satanique qui est en train de l'animer. Ouais, ça n'est pas. C'est un esprit satanique. Parce que c'est ce qui est au ciel. Le gars est aussi Wanda comme chante chaque jour. Oh Dieu, tu es Dieu, de nous t'adorons. Il guette comme ça, Michael est prostré. Il guette l'autre est prostré. Il dit, mais le type, s'il a même fait quoi pour qu'on l'adore comme ça. S'il pouvait être à la place là. Dans son œil, c'est cette place. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, Dieu est un tyran. Il a fait comme ça. On ne voit pas comment je. Toi, tu crois que Dieu t'aime. Depuis que tu pries là, il a répondu. Suis-moi ici, te donne. Et vous voyez, les gens le suivent. Et il donne ce qu'il a dit. Ouais, cela. Le but de Satan, ce n'est pas le pantin que vous voyez là qui sert Dieu à là-bas après 20 ans. Non, c'est pas ça. C'est toi qui dis, oh Seigneur Dieu du ciel, je t'adore de tout mon cœur. Satan dit que non. Qu'est-ce qu'il veut faire pour qu'il m'adore? Pour qu'il dise ça à moi. Même si au moins il ne doit pas dire que Satan, je t'adore. Qu'il soit, qu'il s'adore celui-là, mais que ça vient quand même que. Ah. Le Seigneur Jésus a dit que c'est qu'il me suive, qu'il soit là où je suis. C'est pour ça que l'enseignement doit nous préserver. C'est la lumière. La parole donc à notre pied, c'est la lumière. Quand c'est la lumière, ça veut dire c'est pour éclairer les ténèbres. Pour que nous ne marchions pas dans les ténèbres, mais que nous marchions dans la lumière. Vous vous éloignez des enseignements de Christ, vous êtes dans les ténèbres automatiquement. Il n'y a pas de Dieu en disant que je suis en même temps. Comment tu vas marcher? Je maintiens dans la foi. Tu maintiens quoi dans la foi? On se marche. Dis à ton voisin, la marche chrétienne, c'est on marche. On n'est pas stagnant. Dieu a montré cela en traversant cela. C'est pour ça qu'il a fait le lac, la mer. Quand il y a la mer, quand l'eau est l'eau coule, ça bénit ceux qui sont aux alentours. Ça bénit les arbres qui sont là-bas. Ça bénit les poussins, tous les autres, même les animaux qui sont ennemis, mangent et boivent à la même eau. En haut se trouvera le lion, en bas se trouvera le loup. Parce que le loup ne peut pas boire tout ça. Ça le nourrit là-bas, ça regarde, ça la breuve là-bas. Pas vrai, frère? Suivez ici, c'est pas là-bas. Suivez ici. Alors, lorsque l'eau est en train de couler, ça bénit. Mais l'eau qui est stagnante, vous pouvez boire, frère, ça produit le gaz. Et bonjour, l'agnos. 1900 personnes qui veulent mourir lorsque le gaz toxique sort. Ça, c'est le type de croyant qui dit, je suis chrétien depuis 20 ans. Tu dis, tu produis quel type de gaz? Du monoxyde de carbone. Vous savez que le monoxyde de carbone, lorsque ça produit, si ça explose, vous savez ce que ça va faire, pas vrai? Mais la Bible déclare dans le psaume 101, dans ce psaume 1 là-bas, que heureux l'homme qui ne mange pas selon le conseil, mais qui s'assoit, mais qui se médite la parole jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un lac. D'un coup d'eau. D'un coup d'eau. Qu'est-ce que veut dire courant d'eau? L'eau qui descend. Vous voyez cela? Parce que l'eau qui bénit. À un moment donné, vous voyez tous les arbres qui sont là-bas, la verdure, les oiseaux viennent là-bas chanter. Chacun vient se désaltérer. C'est le type de chrétien qui mange là-bas. Il mange pour bénir. Il passe pour bénir. Mais ceux qui sont comme ça là, sont morts. Avançons ici. On n'a pas encore bien ce dessin. Regardons ce dessin. Regardez bien. Verset 13 encore. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône, pas à l'égalité, au-dessus. Regardez quelqu'un comme ça. Vous voulez vous amuser avec lui? Vous voulez vous amuser avec cette personne-ci? Au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. Soulignez là, sur la montagne de l'assemblée, on va parler un instant. Non, mais c'est quand même terrible ça. Satan vient de nous dire, le Saint-Esprit vient de nous donner une révélation ici, que Satan va. Regardez-moi très attentivement pour qu'ils disent ce qu'ils ont l'air de dire là maintenant. Satan vient, le Saint-Esprit vient de nous révéler ici que Satan a un dessein de faire une assemblée solennelle, une religion solennelle où il va régner au-dessus. Voilà ce qui est écrit là-bas. Oh, vous remarquez, regardez. Je m'asserai sur la montagne de l'assemblée. Donc il y aura une religion unique sur la terre où il va régner. Voilà ce qui vient d'écrire. Où est-ce là, n'est-ce pas? Souligner, mettez entre parenthèses, religion mondiale. Le monde mondial, c'est autre chose, c'est l'aspect politique. Il n'y a pas de la religion, l'aspect religieux. Ouais, comme on a un peu appelé tout le monde à entrer dans un même système, que tout le monde accède le même Dieu. Entrons, voilà ça. Sur la montagne. Je dis, quand vous allez souligner ça, je vais vous dire, expliquer quelque chose pour vous, c'est ce que je veux dire. Lorsque vous soulignez, vous me regardez. Ce que je vais expliquer, c'est tout dans le livre Hébreux chapitre 10. Notez cela, Hébreux chapitre 10, je vais expliquer. Notez Hébreux chapitre 10 et Exode chapitre 19. Vous y êtes? Notez. Hébreux chapitre 10, d'accord? Exode chapitre 19. Maintenant, notez Hébreux chapitre 12. Je vais vous expliquer ce qu'il en est. C'est terrible ce que Satan veut. Donc, ce sont ses desseins à lui qu'on entend les voir ici. Le but qu'il a, et ses desseins, que vous l'admettez ou non, ça va s'accomplir. Notez 2 Thessaloniciens chapitre 2 également. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Puisque dans ces 2 Thessaloniciens, la Bible déclare qu'il va aller s'asseoir dans le temple de Dieu, se faire en lui-même pas appeler Dieu. On n'a pas dit qu'il pourra ou cherchera. On a dit qu'il ira s'asseoir. Donc ça va finalement, ces projets ici vont se réaliser. Vous avez moi? Bon, maintenant, regardez. Verset 14 dit, je monterai sur le sommet des nues. Vous avez vu ça, frère? Maintenant, regardez. Je serai semblable. Si un être fait comme ça, vous devez savoir avec qui vous avez affaire. Si un être dit qu'il sera semblable au Très-Haut, vous devez savoir qui il a affaire, avec qui on a affaire, quel est l'ennemi que nous avons en face. Si quelqu'un se confronte au Dieu Très-Haut, même les autres démoniaques n'osent pas dire qu'ils sont le Dieu créateur. Ils n'osent pas dire que je suis un Dieu pour dire qu'il est le grand est quand même là. Mais lui dit qu'il sera semblable. Donc tel il est, tel je suis. Depuis que vous êtes né, Satan a créé une mouche. Même la mouche qui dérange, le moustique qui dérange, il a créé. Alors c'est dans le livre d'Hébreux chapitre 12. Donc. Dis à ton voisin, ne suis pas Satan. Et souvenez-vous, suivre Satan, ça ne veut pas dire que je dis, je suis Satan. Souvenez-vous, on a vu là qu'il y a le train dans ce monde-ci. Ce train-là est manifesté dans nos vies par la convoitise de nos chairs, n'est-ce pas? Donc, vérifiez déjà seulement vos convoitises, vos styles de vie. Vos styles de vie, si vous êtes à la mode, ah, c'est Doche Gabin maintenant, tout le monde, Doche Gabin, on a de la plante depuis jusqu'à la tête, même les cheveux, même les coiffures, on met des EG sur ça. Tu es vendu, tu es dans le wagon, l'avant-dernier wagon. Hébreux chapitre 12. On y va? Hébreux chapitre 12. Ou bien, j'ai d'abord donné qu'un Hébreux d'abord. Hébreux 10. Bon, maintenant, allons dans le Hébreux chapitre 10, là, avant quelque chose là. C'est terrible. Notez le verset 22 à 32 d'abord. Verset 22 à 32. D'accord? Maintenant, allons dans le chapitre 12. Maintenant, je vais lire à partir du verset 18. Mais il va falloir que vous faites attention parce que quand vous êtes souvent comme les poules mouillées ici, sinon vous n'aurez pas saisi ce qu'on a dit. Allons dans Hébreux chapitre 12, je vais lire à partir du verset 18. Mais avant de lire, je veux que vous observez, que vous suivez les instructions telles que je vais lire. Quand j'ai donné ça, j'ai donné Hébreux chapitre 10. J'ai donné Exode chapitre 19. J'ai donné maintenant Hébreux chapitre 12, d'accord? On va lire Hébreux chapitre 12. C'est par rapport à ce que nous avons lu dans le verset 14 d'Ésaïe 14. Il a dit que je monterai sur la montagne au-dessus de l'assemblée. Maintenant, je veux qu'on lise, vous comprenez ce que Satan a dit. Il a dit qu'il écrivait à côté là-bas. La religion mondiale, d'accord? L'adoration, il veut l'adoration de tous les groupes qui servent Dieu, entre guillemets, sur la terre. Maintenant, nous allons lire, Hébreux qui va nous expliquer cela. Écoutez très attentivement. Regardez le verset 18. Vous avez vu le verset 18. Vous avez vu le verset 19. Vous avez vu le verset 20. Le verset 21. Le verset 22, n'est-ce pas? Le verset 23, n'est-ce pas? Le verset 24. C'est là-bas que nous avons lu. Mais je vais d'abord lire une première fois. Parce que quand vous lisez, c'est comme ça la Bible. Vous lisez, on va lire une première fois d'abord. Je suis dans Hébreux chapitre 12, verset 18 à 24. Mais lorsque, quand je vais revenir une deuxième fois pour lire, vous allez voir la manière dont je vais lire. D'accord? Vous ne vous êtes pas vous approché d'une montagne qu'on pouvait toucher, n'est-ce pas? Et qui était embrasée par le feu, ni de la nuit, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles telles que ceux qui l'entendirent demandaient qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté, tout tremblant. Mais vous, vous êtes approché de la montagne de Sion, virgule, de la cité du Dieu vivant, virgule, la Jérusalem céleste, virgule, des myriades que forment le cœur des anges, virgule, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, virgule, du juste, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Vous avez vu ça, frère? Maintenant, voici le pourquoi je vais lire et puis relire. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de virgules. Beaucoup de virgules. En réalité, on perd de vue ce qu'on a de nous dire. Maintenant, je vais lire maintenant verset 18. Lorsque je vais lire le verset 18, je vais aller directement au verset 22. Parce qu'en réalité, c'est l'idée que la Bible a de vouloir présenter. Il a de dire, vous ne vous êtes pas approché de cette montagne, mais vous vous êtes approché de ceci. D'accord? Verset 18. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuit, ni des ténèbres, ni de la tempête. Verset 22, vous y avez moi? Mais vous êtes approché de la montagne de Sion. Donc, l'apôtre Paul vient de mettre le parallèle ici entre la déclaration qui avait été faite fracassante. Si vous lisez Exode chapitre 19, justement, Dieu avait dit à Moïse que descend, sanctifie le peuple. Moi, je vais me présenter, je vais me manifester à eux afin qu'ils te créent chaque fois. Pas vrai? Il est déclaré là, comment ça fait? La montagne était en feu. Il avait dit de façon expresse, dans Exode chapitre 19, de mettre la barre, personne ne doit s'approcher. Pas vrai? L'apôtre Paul dit ici, il en reprend cette montagne de l'assemblée là. Que faire attention, ceci était petit. Ce qui veut dire que ce que vous voyez là, vous vivez dans cette était petit. Je veux que vous sachiez que vous, en tant que chrétien, dans quelle montagne vous vous approchez. Et souvenez-vous, Satan a dit qu'il va monter sur la montagne de l'assemblée. Comme Dieu avait parlé au peuple là, il veut parler au peuple aussi. On va l'adorer, on va le craindre. Satan. Il dit qu'il sera semblable au Très-Haut. Comme le Très-Haut a fait, il va faire. Alors maintenant ici il dit, vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu. Il fait référence à montagne Exode chapitre 20, n'est-ce pas? Un frère, il dit, ce n'est pas ce style montagne que vous êtes approché, comme ceux-là avaient approché, n'est-ce pas? Maintenant, il dit, mais vous êtes approché de la montagne de Sion, virgule. La montagne de Sion, gardez à l'esprit la montagne de Sion. Donc, la montagne où on s'est approché, c'est la montagne de Sion. Les virgules qui sont là-bas, c'est pour dénouer des autres noms de cette montagne qu'on appelle la montagne de Sion, virgule. De la cité du Dieu vivant. D'accord, frère? Virgule. La Jérusalem céleste, c'est là où on s'est approché. Vous y êtes? Des myriades qui forment le cœur des anges, virgule. C'est ça qu'on appelle la montagne de Sion. C'est ça qu'on a, là où on s'est approché. Là-bas, c'est une montagne physique dans le désert. Ici, il s'agit des anges. Le corps des anges qui louent devant Dieu. C'est là où nous sommes arrivés. C'est pas encore fini. Il y a une virgule encore, vous avez vu? De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Donc les premiers-nés sont inscrits dans les. C'est là où nous sommes arrivés. Vous voyez? C'est pas encore fini. Du juge qui est le Dieu de tous les esprits des justes parvenus à la perfection. Donc les esprits des justes parvenus à la perfection est rassemblé dans cette montagne. Et Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Donc en réalité, Satan ne dit, il ne dit pas qu'il va monter sur une montagne comme le mont Cameroun pour faire des choses. Ça n'a rien à voir. Il a dit de parler de la réunion de tous les gens qui servent Dieu en esprit et en vérité. Il veut dominer sur eux. Dis à ton voisin, c'est, il faut que tu vérifies qui tu suis. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous dit que te voilà tombé. Toi donc qui disais que tu vas faire tes choses. Te voilà qui est. Jusqu'à ce que les présidents de la République disent que toi aussi tu es semblable à nous. Toi qui subjuguais les nations qui dominaient, les nations qui donnaient les ordres comme ça là. Parce qu'ils se réunissent, ils font des réunions dans les ténèbres. Ils les donnent les instructions. Daniel. Après, on a lu Ézéchiel. J'ai d'abord lu Ézéchiel. Vous allez trouver Daniel là-bas. on va lire Daniel, après Ézéchiel, nous avons lu Ézéchiel, le temps qu'on va vivre. Je crois que je vous ai maintenu pour longtemps là, pour qu'on en finisse. Daniel chapitre 6 d'abord. Je vous ai dit chapitre 6, 7, 8, 9, 10, 11, n'est-ce pas? Je vais lire quelque part, quelques versets, pour vous expliquer le principe, pour vous comprenez. Daniel chapitre 6, je vais lire quelques versets dans le chapitre 6, puis on va aller dans les chapitres suivants, particulièrement chapitre 11 particulièrement. On y va, frère. Maintenant, chapitre 6 nous dit, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. C'est ça, non? Il mit à leur tête trois chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que des satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit d'aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Amen. Voilà le premier volet que nous allons lire. S'il y avait le tableau ici, je voudrais expliquer cela, mais je veux que vous suivez attentivement. On dit que Darius, le roi Darius, le roi Mède, d'accord? Il a établi 120 satrapes parce qu'en ce moment, le royaume était vaste, pas comme maintenant les colonies. Le royaume était vaste, alors il met 120 personnes. Si on divise le monde en 120, qu'on va parler, comme les États-Unis d'Amérique, comme il y a les 52 États, il y a un président, prenons les États-Unis comme un type, d'accord? Dans son royaume, il y a le président. Il y a trois conseillers principaux qu'il rencontre directement. Et au-dessus de ces trois principaux sont directement connectés 120, chacun de ces 120 différents endroits. Au-dessus de maintenant, on peut avoir le petit ministre, le gouverneur, au-dessus toujours. Et à la base, vous allez voir maintenant que la base, maintenant, le reste, c'est la population. Le but maintenant, c'est que s'il y a un problème dans ta province, ça vient au premier chef. Ça remonte à celui-ci, au satrape, puis au conseiller, puis ça touche le roi. Donc, vous voyez effectivement que la forme du royaume est pyramidale. Depuis le haut, c'est un président. Il y a une personne en haut. Ce que vous voyez sur le billet de dollar, il y a quelque chose là-bas, vous allez remarquer qu'au-dessus, il y a une pierre de fer qui doit être positionnée. Donc, quelqu'un a vu venir régner sur le règne humain. Donc, alors vous voyez effectivement que c'est pyramidal de telle enfin que la plus basse classe est en bas, il ne sait pas ce qui se passe en haut. C'est ça qui est présenté d'abord ici dans Daniel chapitre 6. Maintenant, j'ai pris Daniel chapitre 6 exprès parce qu'on parle de Darius, roi des Mèdes. Allons au chapitre 10, allons-y. Vous allez prendre je vais lire rapidement à partir du verset 1, d'accord? Écoutez très attentivement. La troisième, je suis dans le chapitre 10 là. La troisième année de Cyrus, roi des Perses, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est 20 ans annonce une grande calamité. Ça a été révélé à Daniel. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Vous avez mon frère? Mm-hmm. Maintenant, le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Idekel. Je levais les yeux, je regardais et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur ses reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme du chrysolite, son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à des lérins polis. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude, d'une personne. Moi, Daniel, j'ai vu seule la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais il fut saisi d'une grande frayeur et il prit la fuite pour se cacher. Donc Daniel s'est tourné, il a vu une vision. Un homme se présentait là. Les gens savaient qu'il y a une présence. Personne ne voyait rien. Chacun a détaillé que quelque chose ne va pas dans cette zone-ci là. Chacun a détaillé. Frère, c'est un ange qui vient comme ça. Les êtres humains, frère, ça accouche, je n'ai pas vu. Imagine que Dieu descend. Et sur la terre se trouvent 4 anges qui sont attachés depuis. Au nord, dans toutes les 4 directions, aux 4 points. Donc les enfants, 4 points, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. On indique comme ça les anges sans s'en rendre compte. Ils sont là. Depuis longtemps, ils sont positionnés comme ça. La Bible dit ils sont positionnés là, aux 4 anges. Quand les gens vaguent en l'eau pour aller au Canada, les avions passent au-dessus d'eux. Leur tête, leurs pieds sont déposés sur la terre comme ça. L'avion passe là. Il dit allez-y. Mais le moment va arriver où Dieu va dire que c'est le moment. Relâchez-vous. Les choses vont se passer sur cette terre-ci. Alors maintenant, avançons ici. Voilà un homme qui se positionne là-bas, chacun détale. Même le prophète lui-même va voir comme ça ne va pas le laisser. Regardez. Verset 8. Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquaient. Mon visage changea de couleur et fut décomposé. Je perdis toute vigueur. Non, Seigneur, viens voir ton ange. Montre-moi mon ange gardien. On te montre l'ange gardien. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, « Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je veux te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il m'eut parlé, je me tins debout en tremblant. Vous avez ça, frère? C'est un serviteur de Dieu qui craint Dieu, qui n'a pas de péché, qui voit l'ange, le palu, ses os brisent à l'intérieur. Dit, Seigneur, voilà un prédicateur, je mets la main dans la poche. Je suis venu hier, un ange est venu me parler. Dans mon sac, il parle, il croit que le pied, que l'ange m'a parlé. Il m'a dit que mon serviteur, je suis avec toi, personne ne peut te toucher. Il croit que le pied, il met la main dans la poche. Il ne sait pas de quoi il est question. Satan l'a séduit. Mais continuons ici. Verset, seulement pour montrer qu'il a la relation spirituelle en haut. Alors que sa relation spirituelle s'est limitée au deuxième ciel. On avance ici, frère. Maintenant, verset 12. Il me dit, souvenez-vous, quand on lit, on avance, n'oubliez jamais ce qu'on avait construit depuis. On a établi que le royaume de ce monde-ci est entre les mains de Satan. On a établi que soit un individu, c'est Satan ou Dieu. Et Dieu, lui, il a dit, Jésus a dit dans le verset 26, nous avons commencé dans Jean chapitre 12, que si quelqu'un le suit, le sait, qu'il le suive et qu'il soit là où il se retrouve. Et donc, les complications ont commencé à monter dans nos vies, car en réalité, nous avons des problèmes dans nos vies. Nous pouvons servir Dieu avec la bouche, mais la vie que nous vivons est la vie dans un train, dans un des wagons. Pas vrai? C'est ça que nous sommes de devoir pour discerner quel est le dessein véritable de Satan de mettre toutes ces choses autour de nous. Puisque la Bible dit qu'il est comme un lion rugissant, mais on n'a jamais vu. Il rugit donc où et comment? Comment il cherche comment qu'il dévore? Il dévore quoi en nous? Notre chair? Non, nos âmes. D'accord? Alors il faut qu'on sache ses plans pour savoir maintenant comment il concorde donc dans les ténèbres les plans pour nous séduire afin que nous quittons la voie du Seigneur pour le suivre. J'espère que vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, nous sommes au niveau où je vais vous montrer maintenant comment il gouverne et comment il a établi cela pour que vous compreniez en clair comment il manifeste dans nos vies. Écoutons maintenant. Verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Il a dit qu'il a fait 21 jours là-bas sans manger, sans boire. L'ange vient lui dire ici que depuis le premier jour, donc le premier jour que tu as commencé le jeûne, tes paroles ont été entendues. Donc quand tu jeûnes, ne te décourage pas. Non, j'ai fait 21 jours, j'ai prié, même pas un rêve. Qui t'a dit que c'est pas le rêve qui doit te parler? Qui t'a dit ça? Comment ça va, frère? Comment te jeûnes pas ton jeûne? Non, sauf que je n'ai pas encore rêvé. Il y a une promesse que jeûne, je vais donner le rêve. Devant ton voisin, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Maintenant, il dit c'est à cause de ses paroles qu'il vient maintenant. D'accord? Il dit tes paroles ont été entendues, le dernier volume du verset 12, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Donc, c'est ce que tu as déclenché sur la terre qui m'a fait venir. Remarquez très bien que cet ange n'est pas ordinaire. D'accord? Maintenant, le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Soulignez, frère. Si vous avez souligné coloré, si vous avez souligné entouré. D'accord? Bon. Regardez. Rentrons dans le chapitre 1, le chapitre 10, verset 1. Regardez. Je veux que vous voyez quelque chose. Le verset 1 du chapitre 10 dit quoi? Allons-y tous ensemble. 1, 2, 3. La troisième année. Non, doucement. On doit le lire en synchronisant. Allons-y. 1, 2, 3. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole que je lui ai donnée appelée Belle. Non, arrêtez. Donc, nous voyons au verset 1 ici que la troisième année de Cyrus, on l'appelle roi des Perses. Mais ici, au verset 13, on dit le chef du royaume des Perses. Donc, la Perse a un roi et la Perse a un chef. Dans notre version, on va écrire prince. Dans ta version, on écrit quoi, mon cher? Quoi? Non, continue à te perdre. Donc, il dit, le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Le verset 1 dit que Cyrus était le roi des Perses. Ici, là, donne l'information qu'il y a le chef du royaume des Perses qui l'a résisté 21 jours. Vous pensez que c'est le président du pays? Non. Donc, il y a le roi, il y a le chef. Jésus a appelé ça le prince de ce monde-ci arrive. Le prince du monde. Donc, dans l'autre version, c'est prince. Donc, il y a le roi du pays qui est l'être humain qui gouverne, qui conduit, il y a le prince. Puisque l'ange ici a apparu, personne ne l'a vu, les gens ont détalé. Donc forcément, ce n'est pas un être humain qui l'a résisté 21 jours. Donc ce n'est pas un être humain normal qui l'a résisté pendant 21 jours. Parce que sa présence, même sans qu'on le voit, inspire la terreur. Donc il a parlé d'une autre personne. En fait, donc on va lire dans le livre. Bon, vous allez voir effectivement qu'il s'agit d'une personne. Regardez bien. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Donc cet ange ici qui sème la terreur par sa présence, un chef lui a résisté pendant 21 jours, au point que c'est Michael, le chef des anges, qui est venu pour donner le secours. Donc, il a venu donner un renseignement. Et le vrai problème, c'est que on dit que la personne qui lui a résisté, c'était le chef du royaume des Perses. Vous me suivez? Amen. Mais pourtant, le renseignement nous a dit que la troisième année de Cyrus, roi des Perses. Donc, au-dessus du royaume des Perses, se trouve des principautés. Un ange vient pour communiquer quelque chose. Les principautés qui contrôlent le pays lui résistent pour qu'il ne passe pas pour donner le message sur la terre. Voilà la Bible. Éphésiens chapitre 6, car nous n'avons pas lutté contre la chair, contre le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Donc c'est contre eux. Alors, ce monsieur-ci, cet ange-ci dit à Daniel que le premier jour où tu as ouvert la bouche, la parole est sortie. Et c'est à cause de cette parole qui est venue. Donc, ça veut dire, pendant 21 jours, il a passé 21 jours à combattre là-bas. Pendant ce temps, sa prière ici, Daniel ne savait pas pourquoi il a pris 21 jours. Il était engagé dans le combat spirituel sans s'en rendre compte. Sa prière sur la terre impliquait la force que Dieu donne pour que le message puisse venir lui arriver. Mais quelqu'un commande un jeune de 30 jours, dit 15 jours, il est encore réveillé, lâche-moi. Qu'est-ce qui se passe en haut pour toi? Qu'est-ce qui se passe en haut pour toi? Regardons bien. Il dit, c'est Michael qui est venu lui donner secours, n'est-ce pas? Maintenant, il dit, et je suis demeuré là auprès des rois des Perses, souligné, rois des Perses. C'est vrai que la façon dont il parle peut prêter à confusion, mais le français, c'est pour ça que le français que vous écrivez en anglais, haut là-bas, c'est le langage de Dieu que moi je comprends. Il dit, on l'a resté 21 jours. Il dit, le chef du royaume de Perses m'a resté 21 jours. Il dit, puis j'ai dit, je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Cette personne-ci parle, dans un royaume, il y a un roi. On est d'accord? La troisième année de Cyrus, Daniel était présent. C'est la troisième année de Cyrus qu'il a vu cette vision où l'ange est venu. Mais celui-ci nous donne le renseignement qu'il est demeuré là auprès des rois des Perses. Donc tous les présidents des Perses qui sont passés là-bas, il était là. Et les rois vivaient 80 ans après mourir. Donc le roi de telle personne vient, Nebuchadnezzar vient, là-bas. Quand tous règnent, la même entité est là. Donc, changez le RDP sur la terre, vous mentez votre con. C'est pas, le RDP ne changera pas le problème. Mettez le CNC, enfin l'UNC qui était là-bas, parti unique, est transformé en RDPC, non? Vous modifiez, c'est l'autre style de démon, c'est l'administration change en haut. On communique seulement en bas. On dit c'est la démocratie, oui, oui, oui, mais la démocratie, comme vous n'êtes pas encore vers, allez au rythme africain. Donc pour dire que votre démon n'est pas encore trop fort pour supporter les autres choses que nous avons fait là-bas. C'est la démocratie au rythme africain, ça. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc les choses se décident là-bas. C'est la Bible qui enseigne cela, c'est pas la pensée, c'est pas la philosophie. Il dit ici que je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Donc tous les rois des Perses qui ont été là jusqu'à celui-ci, il a été toujours là pour combattre cet esprit qui règne sur la Perse. Vous voyez comment les êtres humains ont la miséricorde. C'est pour cela que vous comprenez effectivement que nous sommes dans le camp des vainqueurs. Parce que malgré que la Bible dit, le prince de ce monde-ci arrive, il n'a point en moi. Vous voyez, vous êtes dans le monde, pourquoi lui qui a toute cette puissance au point où il va aller subjuguer les nations et faire des choses, ne va même pas tuer les enfants de Dieu sur la terre alors qu'on soit dans son territoire? Parce qu'il y a un combat dans le plan céleste pour nous. C'est pour ça qu'il ne faut pas que le combat vienne nous trouver qu'on est dans l'iniquité. D'accord, frère? Amen. Maintenant, regardez bien. J'espère qu'on se comprend. Un, il y a un roi en Perse. Deux, au-dessus de ce roi-là, j'espère que vous avez saisi cela, il y a des principautés. Le chef là, ce sont les démons. Le démon, c'est le petit niveau, le petit nom. Ce sont les principautés, les autorités. Vous savez, la Bible parle de. Afin que les principautés, les autorités dans le reste de l'église céleste connaissent au travers de l'église la sagesse infiniment variée. Donc, quand il va communiquer ça sur la terre, cela, nous voici l'église au Cameroun. Il forme un projet pour faire venir. Le Seigneur révèle à un de ses serviteurs que le chrétien fait attention à telle chose qui allait se passer. Pourtant, je vous ai dit, quand Satan bouleverse tout un pays, il peut bouleverser toutes ces lois qui votent, c'est pour les enfants de Dieu. C'est pour nous faire souiller. Pourquoi? En fait, tôt ou tard, on l'adore. vous subjuguez, vous vous soumettez à la loi antichrist, vous en êtes d'adorer Satan. Ce dessein vous doit s'accomplir. Vous cessez, n'est-ce pas? Je crois qu'une fois ici, on a parlé de la loi antichrist avec les choses des enfants qu'on a de faire, n'est-ce pas? On a parlé de cela. Alors, quand Satan va voter ses lois, il sait qu'il vote ses lois, le monde va obéir automatiquement. Quand il va dire par exemple que venez ici, prenez la marque d'abeille comme on a dit de façon physique, sinon vous n'allez pas avoir la nourriture, il va dire que je paye quoi sur ça. Bah, mets-moi ça, parce qu'il ne connaît pas. Mais le chrétien qui est averti va dire que marque de l'abeille, j'ai entendu quelque chose comme ça, que mieux je meurs de faim. Pas vrai, frère, parce qu'il est averti. Mais quand il donne ses lois, ce n'est pas le monde qui est là, c'est parce que le monde lui appartient, le train est parti. Il veut seulement que quelqu'un rattrape le train. Et c'est le chrétien dont il veut. Faites attention, mesurez qui vous servez. Amen. D'accord, frère? Alors donc, au-dessus du pays donc, se trouvent donc des principautés. On vient de nous montrer cela. N'est-ce pas, frère? Maintenant, regardez bien ici. Verset 21. Verset 21, vous y êtes? Oui. Mais je veux te faire... Non, je crois que je vais me fermer de continuer. Je vais aller au verset 14, parce que je vais aller au verset 21 coupé, mais il faut que j'y aille. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et j'ai gardé le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche et j'ai parlé. Et j'ai dit à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli de foi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Vous voyez que la parole de Daniel indique clairement qu'il se tient devant lui, n'est-ce pas, frère? Alors si vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas. Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, j'ai repris des forces. Vous voyez, Dieu dit courage, la force vient dans tes membres. Courage, ça vient dans tes membres. Ah, merveilleux Seigneur. L'homme ne vivra pas de peur seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ouais, courage, et ça te fortifie. Courage, ça te fortifie. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Donc, le combat n'est pas terminé. Donc, pour arriver sur la terre, il combat. Pour retourner, l'autre dit, tu étais où? Tu étais où? On a toi, au-dessus là-bas. Il faut qu'il bagarre pour traverser. Alors, il dit, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef des Javans viendra. C'est merveilleux. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les prophéties de Daniel. Mais si vous suivez l'enseignement qu'on avait fait à l'Opon pendant 9 heures de temps, donc en deux parties, 5 heures de temps et 4 heures de temps, j'en ai parlé. Le prince des Javans, Javans c'est la Grèce. Si vous lisez la prophétie de Daniel chapitre 4 et Daniel chapitre 7, où les 4 royaumes doivent être sur la terre, après le royaume des Mèdes et des Perses, il est question que le relais soit passé au prince des Javans. Je ne sais pas si vous saisissez. Il dit, si vous lisez les statues de Nebuchadnezzar, qu'il a eu en vision ainsi de ce l'arbre-là, on a expliqué des choses là-bas. On est qu'il y aura 4 royaumes sur la terre. Le premier royaume va passer, le deuxième royaume va passer, il sera divisé en deux. Les deux là sont les Mèdes et les Perses. Donc Daniel était en plein dans les deux. Parce qu'un temps, vous allez remarquer qu'au chapitre 6, on a dit Darius le Mède. Au chapitre 10, on parle maintenant de Cyrus le Perse. Donc la deuxième dimension du royaume, de la vision, c'était un temps le royaume des Perses, qui est appelé l'Iran aujourd'hui, l'Iran. Vous voyez là, avec Ahmadinejad qui disait qu'il voyait l'Iran et la 4. Vous pouvez lire ça dans la Bible, vous voyez cela. Alors, la Perse dominait un moment donné comme Cyrus, voilà. Puis, un moment, c'est la paix, les Mèdes qui dominaient. Ça, c'est le royaume. Puis, l'ange dit ici que quand je m'en vais, il m'avait combattu le prince du royaume des Perses. Il m'avait le combat. Il dit, quand je serai parti, le prince des Javans viendra. Donc, les dominations de Satan sont catégorisées. Donc, ce sera le moment de domination de la Grèce. Donc, quand il a quitté, effectivement, après le roi Cyrus, après le royaume Perse, la Grèce est entrée en action avec Alexandre le Grand, qui a régné jusqu'à ce que Rome a pris place. Donc voilà comment les royaumes s'intitulent là-bas en haut. Autrement dit, les royaumes sur la terre ne sont que le reflet du mouvement des guerres célestes. Satan donc pouvait dire, prosterne-toi devant moi et m'adore. Et je te donnerai le royaume de la terre avec toute sa gloire. Car cela m'a été, et je le donne à qui j'ai. Par conséquent, si ton frère président de la République, il a adoré qui? Même si tu le vois, il est bon. Il donne son argent, il a quand même adoré. Il sait Satan. Vous voyez ça, frère? Voilà. Alors, voici donc comment les choses sont en vrai. Les chrétiens sont là-bas dessous. Les chrétiens ne doivent pas être ignorants de ces choses qui se passent ici. Ils doivent comprendre que, quelles qu'en soient les lois qui sont votées, ce n'est que les conséquences des puissances ténébreuses qui se font là-bas. Et ces passages nous montrent également que Dieu n'est pas aussi en faisant comme ça. les anges sont mobiles au service. Si les anges étaient, les anges étaient seulement au ciel, l'église seulement sur la terre, Satan est au milieu entre nous et l'église et le ciel, et faisant ce qu'il fait sur la terre, on serait fini depuis. C'est parce que Dieu fait les intrusions avec ses anges dans le camp des saints pour délivrer. C'est pour ça que Satan n'a pas d'emprise. C'est à cause des chrétiens sur la terre qu'ils seront enlevés. 2 Thessaloniciens chapitre 2, il dit que vous savez ce qui l'empêche afin qu'il ne soit manifesté quand son temps. Satan arrive. Il ne faut pas qu'il se trouve avec quelque chose de lui en, comme le Seigneur a dit. D'accord, frère? D'accord, mes frères? Ils ont donc deux passages et puis on va l'arrêter. 1 Jean chapitre 3, je vous ai donné ça aujourd'hui. Normalement, il devait prêcher comme ça, c'est vous qui devez rappeler les versets que vous avez donné. Je vous ai donné les versets, sinon. Vous m'avez vu en train de lire ça quelque part, frère. Il dit 1 Jean chapitre 3, quelqu'un d'autre, il écrit encore, alors qu'il l'avait écrit. Oh, pourtant, bien au départ, j'ai donné les versets en ordre, et au fur et à mesure, on avait touché tous ces versets, pas vrai? J'ai dit que nous allons construire par la grâce de Dieu quelque chose. Et vous voyez, nous sommes en train de construire cela. Maintenant, 1 Jean chapitre 3, lisons les versets 8. Oh, ouais, prenons à partir du verset 6. 1 Jean chapitre 3. Vous y êtes? Et regardez. On y va, frère. Prenons un peu plus haut. Verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Si vous avez l'espérance en vous, faites quoi? Vous purifiez comme Dieu lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous savez, vous le savez. Donc, il le dit aux chrétiens. Vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché. Il n'y a point en lui de péché. Ça, c'est la première chose qu'on doit savoir. Maintenant, quiconque demeure en lui ne pêche point. Vous avez mon frère? Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc si tu vis dans le péché, n'essaie pas de dire que tu connais Jésus. C'est que tu ne connais pas parce que lui, il est la sainteté. Vous voyez? Maintenant, après, il dit ceci. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est? Car le diable pêche. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire. Donc, le diable avait les œuvres sur la terre. Mais, si vous restez comme ça, voilà pourquoi si on ne comprend pas ces choses, on ne doit pas comprendre pourquoi Christ est venu. On dit le Fils de Dieu a paru. Le but pour lequel il a paru, c'est pour détruire ses œuvres. Alors, quel est le problème? Non, l'humanité, depuis le temps de l'antin, on naît, on grandit, on meurt, tout c'est normal. C'est pas normal. Dieu nous a montré par la circoncision qu'il y a un problème dans l'être humain. Il faut circoncis. C'est pour ça qu'il a donné les lois. Pour nous attirer notre attention que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais tous sont gratuitement justifiés. Et comment la situation puisse être possible? Parce que, tu ne peux pas te battre contre le péché qui se trouve en toi. Tu ne peux pas te circoncis le cœur. C'est lui qui doit le faire. Si c'est lui, vous vous souvenez des... Ézéchiel chapitre 36, verset 25 à 27, que nous avons lu aujourd'hui, je te laverai d'une eau pure, je mettrai mon esprit en vous, je vous enlever le cœur de chair, je mettrai en vous un cœur, le cœur de pierre, je mettrai en vous un cœur de chair, je mettrai mon esprit en vous, et afin que vous accomplissiez, vous obéissez à ma parole. C'est Dieu qui a dit ça. C'est ça, frère. Et Satan donc a les desseins. Nous avons vu ça dans Ésaïe chapitre 14. Nous allons aller dans l'une des Hébreux chapitre 12. Nous avons vu effectivement comment la montagne de Dieu est représentée. Et Satan dit qu'il va s'asseoir sur cette montagne-là. La Bible nous enseigne dans 2 Thessaloniciens qu'il va aller s'asseoir dans le temple de Dieu, se faisant appeler lui-même Dieu. C'est son destin qu'il a dit, je serai semblable au Très-Haut. Les gens vont l'adorer sur la terre. Et Jésus lui-même a dit ça dans Jean. Il dit que je suis venu en mon nom. Au nom de mon Père, vous n'avez pas reçu. Mais si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Donc il vient de dire aux Juifs que quand l'Antichrist va venir, vous allez l'accepter. C'est Jésus qui a dit ça, frère. Et ça doit arriver comme ça. Il est venu, il a dit que, dis-nous, si tu es le Christ, dis-le, je vous le dis. Vous sondez les Écritures, croyez avoir la vie, c'est eux qui rendent témoignage de moi. Le moment est arrivé, il fallait confesser aussi pour accepter le Messie ou même pas. Ils ont accepté un brigand, rejeté Jésus. Il dit, je suis venu au nom de mon Père, vous me rejetez. Mais si un autre vient en son propre nom, Satan a dit clairement qu'il va aller s'asseoir dans le temple. Il va être semblable au trait à la montagne de Sion. La montagne de Sion physique, c'est à Jérusalem. Le temple sera bâti. Il va aller là-bas. On va l'adorer. On va dire, voici notre Messie. Il va se prosterner comme ça. Jusqu'à ce que les prophètes vont venir prêcher, parce que ce n'est pas le coup de dénoncer ces supécheries. Mais Jésus a dit, ils vont recevoir. D'accord, frère? Donc ici, la Bible nous déclare donc que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc voilà le but pour lequel il est venu. Alors il pourrait donc dire que tout est accompli. Les exigences de Dieu, ce que Dieu voulait pour que l'homme puisse être réconcilié à lui, ont été accomplis à la croix. Maintenant, il dit, on y va. Maintenant, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Vous êtes frères. 1 Jean chapitre 5 maintenant. 1 Jean chapitre 5. Verset 19. Verset 18 et 19. On y va. 1 Jean chapitre 5. Verset 18 et 19. Nous savons, donc c'est une certitude, n'est-ce pas? Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche. Mais celui qui est né de Dieu se garde et le malin ne le touche. Vous suivez ça, frère? Donc vous devez garder votre voix, chercher à savoir dans quelle direction vous vous trouvez. Puis il conclut en disant, nous savons. C'est une certitude, ici c'est, la Bible, c'est le livre de la certitude. Nous savons que nous sommes des dieux, pas que nous sommes des petits dieux. Il veut dire, nous sommes des dieux, ça veut dire que nous appartenons à Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance. Donc c'est quelqu'un qui dit, non, juste dans mon église, Satan ne peut pas passer. Tu es sur notre territoire. D'abord, quand tu consultes dans ton église, tu es chez lui. C'est lui qui donne l'autorisation, non? Tu dis quand tu vas ouvrir, quand tu vas fermer, non? Non, fermer les Bibles. Alors, mesurons donc qui on sert. Mesurons donc qui on suit. Les œuvres que nous pratiquons, sont-elles les œuvres justes des saints? Les œuvres que nous pratiquons, sont-elles les œuvres justes des saints? Mesurons qui nous servons. Nos vies quotidiennes, nos pratiques, sont-elles conformes aux enseignements du Seigneur? Il a dit, enseignez-la, observez tout ce que je vous ai prescrit. Dans 1 Corinthiens 15, verset 1 à 4, l'apôtre Paul dit que je vous ai appris ce que j'ai, je vous ai enseigné ce que j'ai appris, c'est que le premier Christ est ressuscité des morts, comme je vous ai fait, comme je vous ai aussi enseigné, que vous avez, en quel vous avez cru, que vous avez persévéré, autrement vous aurez cru en vain. Ne croyez pas en vain, d'accord frère? Que Dieu vous bénisse.